podcast. Et ce n'est pas un épisode, ce n'est pas un hors-série, c'est ce qu'on démarre pour la rentrée, voilà, c'est un tête-à-tête. Donc bienvenue au tête-à-tête numéro 1. Pour ceux qui sont jamais passés par ici, une fille, un podcast, c'est simple. Donc moi c'est Karine, mon truc c'est d'écouter du podcast et je viens vous dire ce que j'ai aimé. Je fais pas de critiques négatives, que ce qui est intéressant à aller écouter. Et donc cette fois-ci, pour la rentrée, la formule c'est le tête-à-tête. Donc dans une première partie, vous avez un tête-à-tête avec moi-même, voilà, pour vous, mes petits auditeurs préférés. Et puis dans la deuxième partie, qui va être un peu plus longue bien sûr, ça va être le tête-à-tête avec mon invité. Cette fois-ci, on retrouve Jérôme de 24 FPS, le podcasteur. Donc on parle de pourquoi on fait du podcast et pourquoi on en écoute également, hein, une longue discussion. Et ensuite il va nous présenter ce que lui écoute, ses podcasts favoris, et je vous mettrai aussi des extraits. Je les ai découverts également, donc ça c'est cool, avec un gros coup de cœur pour son podcast musical auquel il pensait absolument pas que j'accrocherais, voilà, et j'ai trouvé ça bien, je vous laisserai découvrir ça. Et puis, quoi d'autre ? Eh bien, une toute petite chose, et je vais faire appel à vous, j'ai besoin de vos avis, j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez de ce que vous allez écouter. Alors, la première chose, c'est est-ce que vous trouvez que c'est trop long ? Est-ce que vous trouvez que je parle trop ? Est-ce que vous trouvez que je ne laisse pas assez parler mon invité ? Je vous pose ces questions parce que je me les suis posées, hein, donc si vous pouvez répondre à ma place, je vais gagner du temps. Non, c'est pas vrai, hein, si vous pouvez y répondre, c'est cool, ça me ferait super plaisir. Et ensuite, je voudrais savoir aussi si les s'il n'y a pas trop d'extraits, si les extraits sont pas trop longs, si c'est pas chiant. Parce que là, par contre, moi, quand j'écoute ça, j'ai du mal à m'en rendre compte. Donc, vos oreilles extérieures m'intéressent. Et puis après, vous pouvez faire les remarques sur ce que vous voulez. C'est facile. Une remarque négative, c'est très simple. Vous l'enrobez et vous dites un truc gentil avant, un truc gentil après, et ça passe tout seul. Non, je plaisante. J'ai rien contre la critique, du moment qu'elle est courtoise et argumenté. Alors, vous me retrouvez sur Twitter à @kikrine, K-I-K-R-I-N-E, et vous pouvez aussi envoyer un mail à unefilleunpodcast@gmail.com, et puis sinon un commentaire dans l'article. Voilà, je vous laisse écouter, et bah bienvenue alors dans les nouveaux tête-à-tête. C'est parti, et je compte sur vous, j'ai besoin de votre avis pour progresser. Allez, bonne écoute. Vous écoutez Une fille, un podcast. Et aujourd'hui, je suis avec Jérôme Draven de 24 FPS. Ouais. Et sans Julien. Sans Julien, effectivement. À qui on dit bonjour. Salut Julien. Et voilà. Bon, on va discuter de choses et d'autres. Et... Alors, si j'ai bien su, ton émission parle de podcast. Ok. Oh ben, je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire. Pourquoi on fait du podcast ? Comment on fait du podcast ? Comment on écoute du podcast ? Qu'est-ce que t'écoutes comme podcast ? Ah oui, c'est vrai que c'était aussi un peu ça l'idée, ouais. C'est ça ? Exact. Entre autres ? Ouais, ouais, bah voilà. On a un programme, un début de programme. Un début de programme, ok, d'accord. Les digressions sont autorisées ? Jamais. Ouais. Avec moi, jamais. J'avais cru comprendre. Le sujet, on s'y tient. Ok. Chapitre 1, c'est parti. Ok. Va falloir me donner un peu plus d'indications, sinon ça va être compliqué. Tiens le texte. Ah, merci. Je te donne le texte. Comment t'as commencé déjà à écouter ça ? Comment t'es tombé sur un podcast ? Ça va pas être super original parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu un parcours relativement similaire, en tout cas en termes de premier podcast écouté. Donc je jouais à World of Warcraft, c'était quoi, milieu des années 2000, un truc comme ça, ou vers 2006-2007 dans ces eaux-là, et je me renseignais régulièrement sur un site qui s'appelle Judge Hip. Tu m'arrêtes si je... Je pose pas de questions, moi. Ah bon? Oui, les gens qui écoutent comprennent, moi je comprends rien, mais vas-y toi. Voilà, c'est ce que je craignais. Okay. Je fais comme si. Ok, merci. Et en fait, dans les news, je voyais souvent passer un truc dans le genre « Nouvel épisode du podcast Azeroth.fr ». Et je savais pas ce que c'était. Et du coup, je zappais en fait, je faisais comme si je me disais ok c'est bon, tant pis, ça doit pas être pour moi. Et puis un jour, ça revenait quand même régulièrement, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin peut-être c'est sympa, je sais pas, ça revient souvent donc c'est peut-être bien. Donc j'ai découvert que c'était une émission en audio que tu peux écouter sur le net et puis voilà quoi. Donc au début, je sais plus, c'était la galère pour écouter puisque j'écoutais ça dans le navigateur comme ça. J'avais pas d'outils, tu sais, j'avais pas de lecteur fait pour. Alors je me souviens pas de la durée des émissions, mais tu sais le gros souci c'est que tu t'arrêtes à un endroit. Alors tu retiens, ouais, j'avais écouté jusqu'à tel ou tel passage et puis il faudra que je reprenne là. Bon bref. Et puis au fur et à mesure, à force de chercher un peu, de me renseigner. J'ai découvert qu'il y avait des lecteurs qui géraient ça très bien, notamment l'iPod. Mmh. C'est pas de la pub, hein, mais j'ai eu plus ou moins à cette époque-là la chance de gagner. Alors non, au début, je vais te dire, je galérais vraiment parce que je faisais ça avec ma PSP, donc la console de jeu portable. Non, c'est bien de préciser la PSP. Ça c'est le seul truc à peu près que, ah, okay. que j'avais. Tant pis pour moi. Mais non, allez, vas-y. Ah, je galérais avec ma PSP, je faisais ça. Alors, il fallait que j'écoute rien d'autre, si tu veux. Parce que la PSP, elle reprenait la lecture à l'endroit où tu avais arrêté. Ouais, sauf si entre-temps... Sauf si tu écoutais un autre truc entre-temps. C'est logique. Ouais, donc du coup, j'écoutais pas de musique, j'écoutais rien. Je me disais, puis les rares fois où ça arrivait, c'était la galère. Mais pourquoi tu l'écoutais pas en entier, d'un coup, d'un seul? Mais j'ai pas forcément long le temps. Bah, c'est pas. Alors, tiens, bonne question. Effectivement, j'ai déjà entendu souvent des gens qui disent, ouais, j'écoute les podcasts dans les transports, les trucs comme ça, quand je vais au boulot. Il me faut à peu près 5 minutes pour aller à mon boulot. Ah oui, non, c'est pas la peine. Donc, c'était compliqué. Ouais, enfin bref, et puis pour faire court, j'ai gagné un iPod dans un concours Guitar Hero. Et là tout de suite, c'était vachement plus simple. En fait, je faisais les synchros et tout, ça se téléchargeait tout seul. J'ai découvert le monde de l'automatisation avec des trucs, je sais plus trop maintenant. Il y avait quoi? Il y avait MacJT.fr dans les tout premiers hein, que j'écoutais. Enfin voilà, c'était jeux vidéo, tech. Ah ouais, il y avait les podcasts Gameblog au début. Maintenant, j'écoute plus. Mais voilà, quoi. Et puis, j'ai trouvé un moyen super sympa de découvrir, de me renseigner sur plein de sujets. Et des gens qui avaient l'air de faire ça, finalement, pas à l'arrache, mais enfin, qui n'étaient pas des professionnels, quoi. Mmh. Et du coup, ça me parlait plus que les médias traditionnels. Donc, pour l'écoute... Je dirais, voilà, le point de départ, c'est ça. Ah, d'accord. Et toi? Moi? Ouais, bah oui. Bon, je sais pas, je pense que je l'ai déjà dit. Enfin, je sais pas. Je sais plus. Peut-être. Moi, je cherchais... En fait, moi, j'avais déjà entendu plusieurs fois le mot en lui-même, podcast, en écoutant la radio France Inter. Ah, oui, ok. Et du coup, quand je suis rentrée un soir, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir en quoi ça consiste. Mm. Alors, j'ai vu qu'il fallait s'abonner à des flux RSS. Mm-hmm. Ouais. Mais je savais pas ce que c'était. Ah ouais, mais au début... Donc, moi, je me suis abonnée à toutes les émissions. Mais je savais pas les lire. Ah bon? Ça devait être sympa. J'ai pas compris où ça se mettait dans l'ordi. Ouais. Tu vois? Donc, j'ai lâché un peu l'affaire. Et puis ensuite, ben, comme tout le monde, hein, j'ai eu un iPod. Okay. Donc forcément, ouais. Mais je cherchais quelque chose à écouter qui ne soit pas de la musique. C'est vrai. Alors, on va le laisser passer. Ouais, ok. Ça a l'air d'être bon. Du coup, quand tu fais le montage, tu réécoutes tout? Bien sûr, 10 fois. Waouh, le boulot. Oh, mais des fois 11, ça dépend. Non, mais bien sûr que non. Et comment tu te rends compte? Comment tu coupes alors? Bon, ça dépend si j'ai envie de couper quelque chose ou pas, mais ça, si j'ai pas envie de le couper, je le laisse, j'en ai rien à foutre. Mmh. Si j'ai envie de couper quelque chose, je me penche. Voilà, 2h48. Bah non, je vais marquer. Mais non, c'est le temps qui reste. Je vois qu'on en est à 16 minutes 25, et puis je prends un petit crayon, je mets 16 minutes 25, je sais qu'à l'heure-là, je vais couper. Ok. Et ça, je vais le laisser, on va se faire chier. Oh, c'est toi qui vois, de toute façon. Hein, Bah, c'est vu. C'est ton émission, hein. Je le réécoute. Alors, non, bon, attends, si tu veux que je t'explique comment je fais, je t'explique. Je le mets comme si j'étais en train d'écouter n'importe quel podcast, et je fais autre chose en même temps. Donc en fait, s'il y a 5 heures d'enregistrement, je vais pas rester 5 heures devant mon ordi avec la souris dans la main à attendre de savoir ce que je vais couper, ce que je vais pas couper, ce que je vais laisser ou pas laisser. Enfin, ça n'a pas de sens, mais il y en a peut-être qui le font. Alors je leur explique comment il faut faire. Merci. Merci Karine. N'est-ce pas ? C'est pas possible, vous prenez pas la tête à faire des trucs comme ça, non. Donc tu le mets en fond, en fond, et tu prends un petit papier, et tu notes le temps. Voilà. Et après, quand t'as 20-30 coupures, hein, sur 5 heures, t'en as largement au moins 20 ou 30, et ben là, tu te poses devant l'ordi, tu mets une demi-heure, une heure à peu près, à faire tes coupures, et c'est bon. Je le réécoute. Ouais, même pas, en fait. Non, je crois pas trop. Pas les grands trucs trop longs comme ça, non, je crois pas. Après, donc, je nettoie un petit coup le bruit. Je rajoute des extraits si j'ai besoin de rajouter des extraits. Donc ça, pareil, hein, si j'ai besoin d'en rajouter, je me le suis noté en même temps que... D'accord. Voilà. Voilà. Donc en fait, les 5 heures que j'ai passées à l'écouter, j'ai fait autre chose en même temps. Ouais, non, mais t'as bien raison. Hein. On va dire, ça fait longtemps que je fais du podcast, ça fait pas si longtemps que ça, mais enfin, ça doit faire environ 4 ans maintenant, parce que je faisais une autre émission avant, 24 FPS, et on avait pris une décision à l'époque pour éviter justement cette galère du montage. C'était que on se disait, on fait ça dans les conditions, comment dire... Comme un live, c'est-à-dire, ouais, on fait gaffe pour éviter qu'il y ait du boulot derrière, de couper. Donc, du coup, je sais pas comment dire, je peux pas dire qu'on se met plus en danger, mais on est vachement concentré, du coup, à chaque moment. Et au final, maintenant, d'ailleurs, que j'y pense, je pense qu'on n'a jamais rien coupé, je veux dire, dans 24 FPS ou avant. On a toujours plutôt bien respecté ça parce qu'on se met dans cet état d'esprit. On se dit, voilà, on fait l'émission, elle sera diffusée telle qu'elle. Après, si vraiment il y avait un souci, enfin, je parle pas des problèmes techniques là qui nous forcent à couper et à faire éventuellement des petits raccords. Mais ouais, on se met dans cet état d'esprit que voilà, qu'il y aura rien de coupé et. Ouais, du coup, tu cogites un peu plus, enfin ouais, tu fais peut-être un peu plus gaffe, je sais pas. C'est différent comme approche en fait, mais j'ai pas envie de m'emmerder en fait à faire du montage derrière. Depuis le temps, je veux dire, maintenant j'y réfléchis même plus quoi, c'est une habitude quoi. Ouais, tu fais gaffe à ce que tu fais, fais gaffe à ce que tu dis, comme tu dis, ça doit être une habitude. Je pense, ouais, c'est une habitude. Parce que avant de lancer 24 FPS, j'avais une autre idée de podcast à cette époque-là que je voulais faire avec des gens de mon entourage, IRL et tout. Avec des vrais gens ? Ouais, avec des vrais gens. Tu déconnes ? Non, je te jure. Non ? Ouais. Et ouais, pas à distance. Mais juste peut-être, effectivement, que j'étais un peu... pas frustré par l'émission que je faisais avant, mais j'avais envie d'essayer une autre interaction, en fait. Je me disais que ça pourrait être sympa, je sais pas, pour voir. Et t'aurais trouvé des gens. C'est dur, hein. Alors... ça, c'est super dur. Hein. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé aussi faire un truc comme ça, et c'est super dur, en fait. Les personnes accrochent pas, forcément. Ben, c'est ça, j'avais pensé à 2-3 personnes. Je te laisse finir, parce que après, je vais partir là-dessus, ça va durer un moment. Ok. Mais j'avais pensé à 2-3 personnes, je leur en avais parlé, je leur avais proposé, il y en a un qui était partant, les autres étaient moins chauds, puis c'est moi qui poussais un peu derrière, qui disais, non, mais franchement, tu vas voir, ça, je veux dire, c'est un sujet que tu connais et tout. C'était un truc un peu plus généraliste, tu vois, avec des dossiers, tu sais. Quand tu découvres l'apéro du Captain, que finalement tu te rends compte qu'ils peuvent parler de n'importe quoi du moment que ça les intéresse et qu'ils arrivent à le traiter bien et de façon en même temps assez légère, ben forcément tu as envie de faire un peu pareil. Donc voilà, je le cache pas, hein, c'était pas d'une originalité folle, mais j'avais déjà déterminé 2-3 trucs comme ça, mais ça s'est pas fait parce que entre temps il y a 24 FPS qui est venu un peu. Par accident, je t'en parlerai aussi si tu veux, parce que c'était pas du tout quelque chose qui était planifié. Et du coup, ça s'est jamais fait. Et à l'époque, moi, j'envisageais vraiment un truc ultra, ultra monté, ultra produit, avec plein de jingles partout et tout, de vraiment de me faire chier sur le montage et tout. Et au final, je suis bien content en fait de pas de ne pas l'avoir fait cette émission, mais de la formule qu'on a empruntée, qui demande au final assez peu de boulot, quoi. Ouais. Je veux dire, j'ai pas grand chose à insérer. Je veux dire, je mets un truc au début, un truc à la fin, le signal sonore au milieu, et puis basta, quoi. Là, t'es un feignant en fait. Ouais. Ouais. Ouais, dit-il. Ouais, je suis fier de moi, ouais, en fait. Sans problème, ouais, ouais. Et tu crois pas que ça sert à rien d'essayer de faire une espèce d'émission de radio? Parce qu'à la limite, si, ouais, les personnes ont envie, ouais, d'avoir un rendu radio, ils vont écouter la radio, quoi. C'est ça. Ouais, moi je pense que t'écoutes De la catch-up radio, du coup. Ouais, ce qui est pas dégueulasse en soi. Enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant aussi, mais c'est, ouais, pas ce que je recherche, moi. C'est pas à mon goût à moi. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Mmh. J'ai pas le monopole du bon goût, hein. Bien au contraire. Toi, par exemple, il y a des choses que je peux ne pas apprécier et que d'autres apprécieront, ou je sais quoi. Mmh. Non, ouais. De toute manière, je vois bien quand j'écoute vos émissions sur le cinéma, il y a plein de choses que je n'aime pas, ou que j'aime bien, que vous n'aimez pas du tout. Ouais. Bah oui, c'est le jeu de la critique. Après, y a une chose à laquelle j'essaie de faire attention quand même, c'est justement de ne pas être la police du bon goût, quoi. Je veux dire, c'est pas, si j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, mais je ne vais pas dire, si vous avez aimé, c'est que vous êtes vraiment la lie de la société. Ça, voilà, il faut pas déconner non plus, quoi. Faut pas se prendre trop au sérieux quand on fait de la critique. On n'est pas supérieur parce qu'on est on s'auto-proclame critique, ce qui est pas mon cas d'ailleurs, parce que je me vois pas comme critique. C'est juste, je vais voir un film, c'est comme, ouais, si on me demandait, qu'est-ce que t'en as pensé, je te le dis, mais voilà, c'est, d'accord, sinon je l'aurais pas dit, en fait. Ouais, putain, il y a des choses que t'aimes bien, c'est comme Man of Steel. Qu'est-ce que je peux prendre dans la gueule avec ce Man of Steel? Comme si c'était mon point faible, ma kryptonite. Je sais pas comment on peut avoir du goût et aimer ce film. Enfin, comme on parle de bon goût, là, tu vois. Un jour, vous comprendrez. Quand vous serez grand? Non, quand, je sais pas, quand vous réaliserez à quel point c'est le cinéma du futur. Une approche à la fois intelligente. Je t'explique. Non, je te charrie. J'en sais rien, je peux être honnête, je crois que je l'ai pas vu jusqu'au bout. C'est vrai. Ça, c'est dur à entendre. Mais je le reprendrai, comme ça, pour être, ouais, sûr. Donc, j'ai pas d'avis parce que je l'ai pas vu jusqu'au bout. Et il y avait un autre truc que je devais dire, c'était que de toute façon, t'avais pas de cœur. Et si je plaçais ça, ah, et ben. C'était le défi que m'avait donné Jonathan. C'est vrai. Ah oui, ça m'étonne pas. Ah, tu peux l'insulter là maintenant. Ouais. Bonjour, du coup, je l'ai placé. Du coup, j'ai gagné quoi? Ah bah ouais, ce serait bien de le faire pour quelque chose, oui. Oui. Voilà. Donc, j'en sais rien, moi, si c'est bien ou pas ce film. Puisque je l'ai même pas vu jusqu'au. C'est ouvert à débat, hein. Moi, je suis pas. Contrairement, voilà, à ce qu'on pourrait penser. C'est la faute à Jonathan. Et c'est lui qui dit que t'as pas de cœur, en plus. Salut Jonathan, je suis content que t'interviennes indirectement dans cette émission. Mais il fallait, c'était le minimum. C'est vrai. Tu sais d'ailleurs que c'est à cause de lui que t'es là. Ah bon? Ah, il t'a pas raconté? Ah, en fait, vous vous dites pas tout? Bah, non. Ça dépend quoi, mais... Ah, il vous raconte... Ah ouais, tu vois. Ou alors, j'ai oublié parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Mais je ne crois pas. Ça me regarde pas si tu ne veux pas dire. Non, j'ai pas dit ça. Si tu veux pas en parler, ça ne regarde pas. C'était pas une façon de dire que je veux pas en parler, c'est vraiment... Tu t'enfonces, laisse tomber. Ok. Non. Quand j'ai fait le tout premier hors-série avec Blast, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh mais tiens, est-ce qu'on t'entendra parler avec un tel ou avec un tel ?» Il m'a dit vivement... que je t'entende discuter avec Jérôme. Je lui ai dit, pourquoi? Ouais. Quelle drôle d'idée. Pourquoi? Je peux pas le saquer, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça va pas, non? Excellent. Non. Et c'était quoi? C'était un pari, en fait, que t'as perdu. C'est ça. Je comprends mieux certains trucs. Ah voilà, ça y est, tout s'enchaîne. C'est bon. Tout s'enchaîne, tu comprends? Ouais. Et puis j'ai dit ouais mais non, c'est différent dans le sens où tu fais pas partie des personnes que j'ai rencontrées en faisant du podcast. Donc, du coup, j'ai pas la même approche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Je crois. Mais enfin, par politesse, je dis rien. Ça veut dire quoi, ça? Quand je dis je crois, ça veut dire je n'ai aucune idée. D'accord, ok. Bon. Non, si, ouais, je vois, ouais. Il y a comme un espèce de... Alors, moi, tu sais, j'ai toujours un complexe d'infériorité par rapport aux gens. Donc, je me dis... Mais... De quoi est-ce qu'il pourrait bien avoir envie de discuter avec moi? Qu'est-ce que je pourrais bien avoir comme discussion? Parce que quand je vous écoute dans vos podcasts parler de films ou de choses comme ça, je serais totalement incapable d'avoir ce genre de discussion, tu vois. Je me place bien en dessous du truc. Ça y est, tu me suis? Oui, oui. T'as rejoint, là? Ouais, ouais. Et du coup... Ça fait un moment, mais... Ouais. Que tu m'as rejoint ? Oui. C'est cool. Ah ouais, c'est fou. J'ai cru que je t'avais perdu depuis un moment, là. Non, mais... Et du coup, moi, tu fais partie plus des gens qui m'impressionnent que... Je te mets à l'aise, là, tu vois. Hein? Ouais, vachement. Ça m'aide à mort. C'est cool. Continue. Ça va être pratique. Ouais, tu vois. Oui, voilà. Bon. Donc, du coup, c'est pour ça que je n'avais pas considéré cette option. Ok. Parce que ce. Voilà. Puis de toute manière, quand j'ai commencé à faire des hors-séries, ça a commencé déjà par hasard. Parce que j'étais pas du tout partie pour faire ça. Ouais. C'est vraiment le hasard qui a fait que j'ai enregistré un premier truc avec Blast et que ça s'est enchaîné comme ça. D'accord. Toujours par hasard. Donc du coup, j'avais pas du tout programmé de trucs, j'avais pas fait de plan, je m'étais jamais dit. Alors, d'abord un tel et un tel et un tel. Oui, un ok. Tel, voilà. Ouais. Du coup, je me suis pas dégonflée. J'y ai pensé un ou deux jours. Enfin, pas pendant un ou deux jours. Il m'a pas fallu quand même 48 heures d'affilée. Ne faut pas exagérer. Non, j'y ai pensé une ou deux fois. Et puis, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il a raison. Peut-être que je devrais lui demander. Mais comment je vais aller demander ça à Jérôme alors qu'on discute quasiment jamais? Quelle drôle d'idée. Hé, au fait, t'as pas 3-4 heures à tuer, là? Ouais. Je vois. Voilà. Le souci, ouais. D'accord, tu vois. Et puis comme Jonathan est quand même quelqu'un de coriace. Oui. Et d'insistant, hein, n'est-ce pas, Jonathan, c'est ta fête ce soir. Excellent. Ou ce soir ou cet après-midi ou quand oui. Vous écouterez ça, on n'en sait rien. Et bah du coup, il a insisté. Ah ouais. Ah ouais, non mais là, c'est ça. Merci Jonathan, je suppose. Bah tu lui diras merci à la fin, c'est pas gagné, c'est pas sûr que tu regrettes pas hein, après, hein, okay. Ça je sais pas. Hein. D'accord. Bon, du coup tu soulèves un truc intéressant. Ah. C'est. J'ai eu du mal à l'amener alors. Non, c'était parfait. Bon. Merci. C'est-à-dire que. A priori, donc, ouais, quand on est dans un podcast spécialisé comme ça, genre, donc, dans mon cas, le cinéma, ouais. Effectivement, c'est une question que je me pose, donc du coup, c'est bien que tu puisses réagir là-dessus. De quoi on pourrait parler d'autre que de ça? Bah, c'est ça, est-ce que... Est-ce que t'as d'autres centres d'intérêt? Ouais, c'est ça, est-ce que je fais autre chose de ma vie que de parler de cinoche et de films bah, que ouais. J'ai détestés? Bah ouais, bah en fait c'est si quand c'est même hein, je le sais mais je me doute quoi. Ouais. Mais non mais en même temps c'est un réflexe normal, c'est-à-dire que tu m'entends si tu m'entends parler que de ça, tu as forcément du mal, j'imagine, à me mettre à te sortir de ça. Bah ouais, à me sortir de ça, ouais. Et j'imagine c'est un peu pareil pour tous les podcasteurs, chacun dans sa niche. Et tu te dis, bon, bah, si j'ai envie de parler avec lui, ce sera pour parler de ce qu'il parle dans son émission. C'est ça. C'est ça. Et en plus, quand on s'est rencontrés, c'était au Festival du Film. Mm-hmm. Donc, oui, en plus, ça aide pas, quoi. Oui, non. Mm-hmm. Donc, du coup, je voyais pas vraiment... Alors que, très franchement, et je dis pas ça pour... je sais même pas pour essayer de d'aplanir le truc, mais si on me demande... Quels sont mes loisirs? Franchement, le cinéma, c'est pas le premier truc qui me viendrait, quoi. Ah ouais? Non. Vraiment pas. Ah oui, tu vois, on aurait dit ça. Et encore une fois, 24 FPS, en plus, c'est un truc que... C'est pas une émission qui est née de ma volonté. Je veux dire, ça a été une opportunité, un hasard. Et je dis, oh, bah, ouais, si tu veux, ouais, pourquoi pas. Bah, je vais peut-être, ouais, expliquer. En fait, Julien et moi, on participait à une autre émission. On était intervenants dans une émission sur l'actu tech. Et forcément, on se donnait rendez-vous sur Skype. Et puis, on discute avant, on discute après. Et je sais plus, voilà, forcément, on s'est connus comme ça, donc voilà, sans plus, au départ, tu discutes un peu de la pluie et du beau temps, hein, forcément, de conneries, et puis un jour, il a dû me demander mon avis, parce que lui est très très sinoche, je veux dire, c'est vraiment son truc, enfin, en même temps, je dis ça, mais peut-être pas, peut-être que c'est aussi le feeling que j'ai, puisque je l'ai très peu rencontré, Julien, au final. Mais non, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup pour lui. C'est une de ses principales passions. Je dis pas que j'en ai rien à foutre du cinéma non plus, hein, mais c'est. Oui, moi j'ai bien compris, c'est pas ta seule. Ah, de loin pas. Et puis, un jour, il m'a demandé, tiens, t'as été voir tel ou tel film? Et puis, j'ai dit, ouais, c'était pourri. Et puis, il m'a dit, ah non, t'es fou. Et tout. Et puis, on a commencé à discuter. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes avis. Et puis, on discutait, en fait, pendant des plombes, avant et après cette autre émission qu'on faisait. D'accord. Et on faisait partie d'un groupement d'émissions, en fait, où on voulait faire des émissions thématiques, on va dire. Et il avait lancé, en fait, une émission qui s'appelait 24 FPS. Donc, pas du tout avec moi, avec d'autres gens de ce groupement. Et puis, ils parlaient de films et de séries télé. Je crois qu'ils ont fait deux épisodes que j'ai écoutés, mais dont je ne me souviens pas trop. Et puis, on va dire deux pilotes. Lui se sentait pas forcément très à l'aise. Enfin, je sais pas, je veux pas parler à sa place. Mais en gros, ça avait pas donné grand-chose. Il savait pas donner d'émissions régulières, quoi. Et un jour, il me dit, mais les discussions là qu'on a à chaque fois qu'on se capte, ça dirait pas d'en faire une émission? Et puis Je dis, voilà, c'était bah, parti. c'est ça. En fait, c'est tout bête. Parce que moi, j'y aurais jamais pensé, mais jamais. Ah ouais. Jamais je lui aurais. Non, non, jamais. Bon, bah vous avez bien fait. Finalement, en fait, les choses qui sont les moins préparées et Ouais. qui vont le plus au feeling, c'est peut-être les plus Peut-être les bien, mieux. ouais. C'est comme quand tu es dans une soirée entre potes et puis que tu pars sur un sujet et Ouais, c'est ça. ça part une heure dessus, quoi. C'est ça. Et tu voilà. Juste là, à ce moment-là, t'es bien. Exactement. Mais il y a des fois quand tu écoutes des podcasts, t'as l'impression d'être avec les gens. Ouais, bah oui. Je sais pas Je si. comprends. Ouais, si, si. Hein? Si, Et c'est sûr. je pense que. Ah, un point qu'on peut soulever dans les podcasts. Est-ce que tu te vois écouter un podcast comme sur une radio que tu mettrais dans ton bureau où tout le monde l'entend? Enfin, merde, tu fais peut-être ça, toi. Mais t'es peut-être tout seul. Je le fais. Bah non, en fait, ouais, je le fais, mais je mets hyper doucement parce que justement, comme c'est du podcast. C'est tellement particulier, Ouais. je me vois absolument pas. Tu vois, par exemple, tu as la radio que tu peux mettre dans un coin, si tu Ouais, travailles avec ça tu du t'en monde, fous, dans un groupe, ouais. dans un atelier, vous êtes une vingtaine, machin, il y en a un qui met la radio, c'est pour tout le monde, basta. Tu te vois faire ça avec un podcast? Non, Vachement non, clairement moins. pas. C'est très particulier, Ouais, quoi. ouais, Hein. ouais. Finalement, j'ai l'impression que le podcast, c'est quelque chose d'hyper intime, presque intimiste. C'est très bizarre. Je trouve ça très bizarre. C'est quelque chose d'assez perso. C'est vrai que c'est pas comme la radio. Je pense pas que c'est quelque chose que tu écouterais en groupe, Tu vois, déjà. par exemple, si j'écoute un podcast dans ma bagnole, si je vais chercher quelqu'un, je l'éteins. Et Pareil. je remets la radio ou je remets la musique. Pareil. Ah non, je mets pas la radio. Et je remets la musique souvent. N'importe quoi. Mais enfin, c'est un truc. Alors déjà, il faut que j'explique ce qu'on est en train d'écouter. Ah, oh, déjà, c'est bon, quoi. Ouais, je Au connais. début, je faisais l'effort. Franchement, au Ouais. début, je faisais l'effort parce que moi, j'étais toute contente. Je disais, ouais, j'ai trouvé un super truc, ça s'appelle les podcasts, c'est génial. Quand j'ai commencé à écouter du podcast, j'étais toute contente parce que j'avais envie de partager le truc. J'ai dit, ouais, j'ai trouvé un truc super et tout, il faut que je vous le fasse écouter. Et du coup, quand tu faisais écouter aux gens, c'est tellement décalé de la radio quand même. Faut le dire, même c'est pas négatif ce que je dis, hein, mais c'est vraiment décalé. Soit t'adhères, soit t'adhères pas. Je pense que si t'as fait la démarche de le chercher, tu vas adhérer plus facilement parce que c'est toi qui es allé vers le truc. Par contre, quand c'est toi qui l'amène à quelqu'un d'autre, c'est tellement différent que la première réaction est souvent négative. Ouais. Et du coup, les gens adhèrent pas. Ils te regardent déjà de travers. Ils disent, oh là là. C'est limite, t'es en train de leur expliquer que t'es rentré dans une secte. On n'est pas loin. Ouais. Bon, attends, là, je lis juste que j'en écoute, hein. Attends, j'ai pas encore dit. Que... Ah, ouais, oui, ah c'est non, vrai. Non, non, attention. C'est vrai. Attention. Et ensuite vient le comment tu tombes là-dessus. Et quand tu commences à expliquer comment tu télécharges des trucs sur Internet. Donc déjà, tu as dit les mots qu'il ne faut pas. Ouais. Télécharger. Je vais avoir plein de virus sur mon ordi. Sur Internet. Internet, mais mon Dieu, mais quelle horreur. Et ensuite, des gens qui parlent tout seuls. Enfin, des gens... Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de truc autour. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de... Mais ça ne va pas. Mais c'est quoi le sujet? Enfin... Et alors, il faut expliquer que c'est des thèmes, que c'est des sujets, qu'il y a... que non, c'est pas tous les mardis à 14h et que ça ne dure pas 45 minutes 22. Et du coup, c'est assez perturbant, en fait. Les gens, ils ont besoin de quelque chose de très structuré, de c'est très vrai. Cadré. Et quand tu leur présentes comme ça d'emblée quelque chose qui en a moins, parce qu'il y a des podcasts qui sont quand même vachement structurés, je dis pas. Carré, ouais. Mais c'est pas mes préférés, encore une fois. Mmh. Et du coup, c'est difficile de leur amener le truc. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Alors, tu dis même pas quand tu dis que t'en fais. Mais maintenant, franchement, honnêtement, au début, j'avais envie. Hein. Maintenant, j'ai lâché l'affaire. Ouais. Ah, oh, c'est bon. Non, mais c'est marrant. J'insiste plus parce que ça me gave. Je me retrouve hein, dans ce que tu dis. Je dirais, encore il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui rentre dans ma bagnole, je démarre, donc le truc se met en route automatiquement. Et puis, c'est un podcast sur Star Wars en québécois. Et là, les gens, ils regardent. Ah ben ça waouh, mais qu'est-ce que t'écoutes, quoi? Ben, c'est un podcast québécois sur Star Wars, quoi. Et puis toi, ça te paraît normal, hein, mais parce oui, que c'est parce le 50e épisode, ben, bien sûr, tu connais ouais, les gars ça, par cœur. C'est ça. Et mais ouais, mais effectivement, je coupe et puis je mets la musique ou la radio. Je dis, c'est pas la peine, quoi. J'y arriverai pas. Voilà, t'aimerais bien les convaincre en leur disant, moi j'aime bien, vous devriez bien aimer. C'est voilà. Hein, c'est comme la Reine des Neiges. Ouais, non. Il y a des gens qui aiment bien, alors tu te dis, ils vont bien aimer. J'irai pas jusque-là. Non. Non, mais c'est vrai que c'est encore un milieu... Autant à la limite, les gens, s'ils écoutent la radio, ils sont à peu près au courant que tu peux réécouter les émissions en podcast. Mais le podcast indé, qui pourtant n'est pas quelque chose de tout neuf, là, ça fait facile au moins une dizaine d'années que ça existe. Mais je pense que les gens ne connaissent même pas le mot. Ouais, clairement, ouais. Mais bon, quelque part, on est aussi passé par là. Il y a eu un moment où on ne savait pas ce que c'était. Oui. Ah oui, mais du coup, je me demande en fait si on m'avait présenté le truc, comment je l'aurais... C'est vrai. Ouais, c'est vrai, peut-être. Tu serais dit, fous-moi la paix avec... Mais dégage avec ta merde. Moi, j'aurais dit ça. Toi, tu aurais choisi les mots que tu veux, mais moi, j'aurais sûrement dit, dégage avec ta merde. Donc, voilà. Peut-on leur jeter la pierre? Je ne crois pas. Qu'est-ce que t'es gentil. Ah, peut-être. Mais je me mets à la place des gens. Ouais. Bah oui, enfin. Ouais, des fois. Des fois. Bah, oui, c'est bien. Ouais. Admettons. Ouais, des fois je me mets. Non, tu te mets à la place des gens pour plein de choses, pour tout. Ouais, un peu trop même, ouais. Bon, ça c'est un autre sujet. Ah, oh, mais c'est intéressant. ça m'étonne pas. Ok. Ah, oh bah ouais, moi ça m'intéresse beaucoup. Ah bah oui, je sais. Tu t'en doutes. Oui. On creuse pas par là. Bon, okay. Sauf que c'est comme tu sens. Non, non, non, je te dirai si je veux couper, puisqu'on a cette liberté-là, ici. Ah oui. Non, mais je suis pas comme ça. Tu peux pas te mettre tout le temps à la place des gens, parce qu'au bout d'un moment, ça te bouffe. Ouais, je sais. Tu peux avoir un peu d'empathie. Clairement. Mais après, si t'en as trop... Et puis, est-ce que la personne qui est en face de toi, c'est ce qu'il recherche? Pas forcément. Non, c'est vrai. Pas forcément. Bon, creuse pas par là. Non, mais c'est comme tu veux, je m'en fous. Non, si, tu sais, ce qui peut être intéressant, c'est... Moi, je sais pas forcément l'image que les gens ont de moi par rapport à l'émission que je fais, par rapport à toutes les idioties que je peux raconter dans votre 4FPS, parce que... Mais toi, tu le dis souvent, ça. Les bêtises, tu dis souvent le mot là, les bêtises, les idioties. Moi, j'en entends pas quand. Enfin, je vous trouve. Ça va, quoi. J'entends jamais de grosses conneries. Ou peut-être que je ne suis pas assez maligne pour les souligner. Mais non, j'ai pas dit ça. Hein? Mais. De quoi tu parles quand tu dis des bêtises? Des erreurs ou des conneries? Non, pas des erreurs. Mais c'est, je peux pas m'empêcher de traiter les trucs, même si ça me tient à cœur, en fait. Bon, ça, ça a trait à mon caractère. Je peux pas m'empêcher de mettre des conneries à droite à gauche, des vannes ou des, enfin, des vannes. C'est pas une émission humoristique non plus, mais de le faire à mon style, quoi, en fait. Qui mais heureusement. Si on enlevait tout ce qui fait de la personne, son identité, ben voilà, tu n'es plus dans du podcast. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui fait que t'accroches quand tu tombes sur un podcast. C'est ce côté personnel que tu n'as pas forcément dans un média traditionnel la personne est formatée à dire telle ou telle chose, à être neutre, à ne pas avoir d'opinion qui penche plus du côté pour, du côté contre ou de quoi. Dans les podcasts, justement, ben, généralement, les gens, ils y vont cash, quoi. Mais c'est vrai, c'est une chose de l'écouter, c'est une autre chose de le faire. Effectivement, je suis d'accord avec toi, quand tu l'écoutes, quand tu écoutes certains podcasts, tu te dis, ah, voilà, ça c'est cool, parce que ça fait plaisir d'entendre des gens qui parlent comme ça et tout, parce que j'entendrais pas ça ni à la télé et tout, et si je pouvais convaincre mes potes d'écouter ça aussi, ce serait bien, parce qu'il y en a marre des discours polis et putain, toujours la même chose, quoi. Bon, après, encore une fois, c'est une question de caractère, mais honnêtement, moi, dans l'émission que je faisais avant, 24 FPS, j'osais pas, enfin, j'osais peu, au début, j'osais pas du tout, parce que je me disais, j'ai pas à prendre le pas sur le sujet, je suis pas là pour faire l'idiot, je suis là pour parler d'un sujet, donc voilà, si j'ai un truc à dire, je le dis, si j'ai rien à dire, je le dis pas, et je suis pas là pour faire le con, mais... Il y a un moment où c'est plus fort que moi, je veux dire, surtout à partir du moment où on a fait 24 FPS avec Julien, on est parti de zéro, c'était notre émission, on pouvait faire ce qu'on voulait, chacun a proposé, a amené son idée, son concept, sa façon de le faire, lui il était vraiment à fond dans Julien, donc dans l'idée de la discussion, de l'échange, c'est ça qui l'intéressait beaucoup. Qui m'intéressait aussi, de toute façon, parce que c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais sans que ce soit enregistré. Moi, j'ai eu envie d'amener le côté historique, le côté du background des films, les anecdotes, parce que ça me tient à cœur, parce que c'était quelque chose que je faisais pour moi, de mon côté, avant de faire l'émission. Ah ouais, tu fais ça, toi ? Ah ouais, depuis super longtemps, toujours. Et tu viens de me dire que le cinéma, c'est pas ta... Ben, excuse-moi, mais... Ouais, ça fait partie de mes loisirs, de ce que je préfère quand même. Du coup, je me pose la question, qu'est-ce que ça doit être sur ton loisir favori, quoi? Putain, là-bas, tu fais des recherches de malades, tu passes des jours, tu t'empiles de la doc. Pas faux, quelque part. Ah ouais, d'accord, ok. Du coup, je sais toujours pas, c'est quoi ton loisir... qui passe avant le cinéma? Franchement, par défaut, je dirais la musique. C'est vraiment le truc principal parce que j'en écoute et que j'en fais. J'ai cru depuis... le foot, mais non, c'est quoi? Pas toi. Non, c'est pas moi. Pourquoi? Je confonds avec Jonathan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça doit être ça, ouais. Excellent. Mais oui, je sais que c'est... Je sais, ouais, la musique. Ouais. Ouais, j'aurais dit ça en premier et puis... Mais dans la musique, c'est pareil, je veux dire, les groupes que j'aime bien, il faut que j'aille chercher toute l'histoire, j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de connaître les anecdotes derrière certains morceaux, j'ai la même approche pour tous les trucs qui me passionnent, en fait, les jeux vidéo, ça a été comme ça aussi, maintenant je joue moins. Non, mais je comprends, ouais, je comprends. Ouais, après, chacun sa façon de... Mais peut-être que ouais, peut-être que c'est un peu comme les collectionneurs, tu sais. Ben, il faut avoir tout ce qui correspond à ça, quoi. Ouais, ça y ressemble beaucoup. Est-ce que tu collectionnes des trucs? Tu vas me dire, les objets en Lego de les Star Wars. Non, alors oui, il y a du Star Wars. Forcément. J'en ai déçu. Non, mais... Oh putain, mais Star Wars, non. Je sais, je me connais. Et par exemple, déjà quand j'avais 16-17 ans, quand je suis tombé dans Star Wars, on va dire... Je voyais les figurines et j'en avais envie, je voulais m'acheter une figurine et me connaissant, je me suis dit, c'est bon, j'en achète une seule, je vais devenir fou. Il me les faudra toutes. D'accord. Il me faudra toutes les séries, il me faudra tout. Et j'en ai jamais acheté encore à ce jour, quoi. C'est vrai? Ah non, il faut pas. Il vaut mieux pas. Et le jour où t'as un gosse, tu vas craquer. Peut-être bien, ouais. Est-ce que t'auras une bonne raison? Oui, oui, ah non, mais ça, il faut pas, ouais, non. Tant pis, je me tiendrai, je sais pas. Non, mais ouais, enfin, c'est vrai, c'est pas que j'ai le besoin de collectionner, hein, parce que ça, c'est quand même une pathologie qui est pas forcément top. Justement, je fais gaffe, quoi. Je veux dire, je collectionne pas grand-chose au final. Bon, je dis ça, j'ai des centaines de CD. Ah, mais ça, c'est pas pareil. Pour moi, la collection, c'est un petit peu plus monomaniaque ouais, sur un seul truc. Sur un truc bien précis. La musique, ouais. Avoir une centaine de CD, c'est de la culture, c'est pas de la collection. Merci. Bah, je t'en prie. Ok. Non, mais j'ai l'impression qu'on s'excuse toujours quand on dit qu'on collectionne un truc parce qu'on a peur de passer pour un taré. Ah ben, alors que tout ouais. Le monde collectionne plein de trucs idiots et qui. Enfin, idiots. Oui, idiots, qui servent à rien. Mais oui, mais ça n'a de sens que pour celui qui les collectionne. Donc, ouais, oui, puis il y a toujours un côté sentimental. Ouais. Ça n'a pas de valeur. Ça a une valeur sentimentale. C'est un objet. Voilà. Mm. Bon. Bon, bref. Et on s'éloigne. Comment hein. Je me souviens même pas comment on en est arrivé là. De quoi on est parti? On remonte le fil. Je trouvais que c'était quelque chose de très personnel et je me demandais en fait si ça t'arrivait de l'écouter. Avec d'autres gens. Ouais, voilà quoi. Et ça, j'arrive pas à concevoir le podcast comme ça, effectivement. Ah non, moi sauf, non plus. Sauf éventuellement, t'as un passage ou un dossier ou je sais pas. Qui est sympa et tu vas dire à quelqu'un tiens faudrait que t'écoutes ça tel ou tel passage va te brancher et tout puis après en général t'es déçu parce que déjà pendant des semaines tu dis ah tu l'as écouté ah non d'accord. Ah oui c'est vrai c'est vrai, vrai ça ouais ah, tu m'enverras le lien ouais tu envoies le lien et la personne n'écoute ouais, jamais quoi ça. Oh. Et ça m'a fait ça j'ai une copine qui cherchait des trucs sur la médecine chinoise et sur des choses comme ça parce qu'elle est partie dans une formation je sais pas quoi et du coup je suis ah bah oui j'ai il existe des émissions là-dessus, il existe des podcasts là-dessus. Alors, je fais, des podcasts, ouais. Laisse tomber, je t'explique pas, je t'enverrai les liens. C'est comme si t'écoutais, allez, en gros, un exposé audio. Allez, bonne approche. On va, voilà. Elle me dit, ouais, pas de problème, ok. Mais le problème, c'est que quand je lui ai envoyé les liens, déjà, en plus, elle a vu le petit... onglet télécharger. Ah. Oh, elle a dit, ah mais non, je veux pas télécharger des trucs. Non, mais il faut d'abord appuyer sur télécharger, puis après tu vas avoir, ça va s'ouvrir. Ça va forcément... Ouais, mais quand même, j'ai pas trop envie de mettre de la merde dans mon... Ouais, ok, bon, écoute, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour toi. Voilà, j'ai pas envie de l'écouter avec toi non plus pour toi. Tu te démerdes un peu, hein. Oui, ouais, pas déconner. Et puis la deuxième déception en général, c'est si jamais par miracle ils ont fini par l'écouter, tu demandes, tu t'es abonné? Ah non, non. Genre pour pas, non. Faire, ouais, c'est clair. C'est bon. Ça va pas, faut payer? On va me demander mon numéro de carte? Non, je m'abonne pas, non. Non, mais c'est ça, mais t'adhères ou t'adhères pas. Ouais. Mais de toute façon, je pense pas que ce soit intéressant d'écouter du podcast pour écouter du podcast. Je pense qu'il faut qu'un jour, il faut que tu tombes sur l'émission qui t'intéresse et qui va t'emmener vers d'autres. Mais pour le principe général, ça marchera jamais, je pense pas. Oui, c'est pas pour le média en lui-même. Voilà. Ouais, non, ouais, je comprends. Bah non, en fait, au départ, tu l'écoutes, tu le choisis parce que t'as trouvé une émission qui te branche. Ça, ouais. T'as une raison d'aller écouter ça. Après, s'il a raison, c'est juste de découvrir le podcast. Ouais, effectivement, ça peut être foiru. On fait une pause ? Donc voilà, on a fait une petite pause, on reprend, et on parlait donc de podcast, bien sûr. Oui, eh oui, forcément. Non, parce que c'est vrai que j'ai quand même un peu un sujet qui tourne en boucle, hein, je trouve. Ouais. Et par quoi est-ce qu'on continue? Tiens, il y a un truc qui me vient, dont tu avais parlé la dernière fois, donc dans ton dernier hors-série avec Pof. Et Phil, et c'est Pof, je crois, qu'il parlait de ça, justement, la notion de personnage podcastique. Je t'ai mal dit. Ah oui, oui, oui. J'avais jamais mis les mots là-dessus précis, mais effectivement, je comprends bien le concept. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est moi, quand je fais mon truc, j'ai besoin d'être naturel et de, c'est ce que je disais, je peux pas m'empêcher de déconner ou de troller. Après, c'est un peu dû aussi à l'interaction que j'ai avec Julien. Je veux dire, on a appris à se connaître en faisant cette émission, mine de rien. Et au fur et à mesure, on se rend compte de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire ou pas, et puis ce qui est marrant, ce qui nous amuse, nous, en fait. C'est ça qui est important. Je veux dire, on s'éclate. Tu sais quelle réaction tu vas avoir si tu dis tel ou tel truc. C'est ça. Mmh. Et c'est super drôle, moi. C'est un des trucs que je préfère faire, d'ailleurs. Parce que l'intérêt, pour moi, il est... Enfin, je pense pas que ce soit forcément de dire ce que je pense d'un film. Je sais pas, c'est pas ça qui m'intéresse le plus dans ma démarche. C'est plutôt qu'on ait une discussion sympa, qu'on s'amuse, qu'on se troll un petit peu. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et pourquoi je parle de ça? Oui, mais du coup, quand tu pars un peu en couille comme ça dans une émission, après tu te demandes. Mais quelle image les gens ils ont parce que c'est pas que je fais semblant, c'est pas un personnage dans le genre je joue un rôle, parce que non, je le fais parce que je peux pas faire autrement. Mais comme on a qu'une seule image de la personne sur un seul sujet, sur une seule façon de parler, t'as toujours la même façon de parler quoi qu'il arrive. On se construit un personnage quand on t'écoute, qu'on écoute n'importe qui, tu te construis un personnage type. Cette personne que j'entends est comme ça. On se l'imagine aussi, je suis sûre, physiquement. Oui, obligé. Comme dans un livre. Même si tu as une petite description de la personne dans le bouquin, tu t'imagines tout ce qui te manque inconsciemment. Eh ben, je pense que quand tu écoutes du podcast, c'est pareil. Quand tu écoutes des gens, tu te construis un personnage. Donc... Enfin, je ne sais pas si c'était de ça que tu voulais parler, mais... Le réflexe me paraît logique, en fait, parce que tu ne peux pas faire autrement, tu es obligé de te faire une certaine représentation de la personne, forcément tu ne peux que te baser sur ce que tu entends, et voilà, quoi. Mais du coup, je ne sais pas, ce n'est pas flippant, mais du coup, tu te dis, si les gens me voient vraiment que comme ça, c'est quand même un peu bizarre. Et tu penses que les gens, ils te voient comment, alors, du coup? Tu t'es jamais posé la question, là, tiens. Oui et non. Encore une fois, je vais rebondir sur ce que disait Pof. C'est... Moi, je suis quelqu'un d'assez timide, en fait, qui va pas forcément beaucoup prendre la parole en public, à moins... Pas d'y être obligé, mais à moins d'y être invité. Clairement. Et tu vois, voilà, justement, ce que tu viens de dire. Je pense pas que c'est quelque chose qui transparaisse dans l'émission que je fais. Parce que quand t'es à l'aise, parce que t'es dans ton rôle. Oui, et parce que j'ai envie. Que tu endosses un costume de podcasteur, de voilà. C'est donc, ça, j'ai un sujet à traiter quelque part. Et j'ai envie d'être complet, j'ai envie de... je pourrais dire de pas passer pour un con, c'est-à-dire de j'ai envie que qu'on voit que je viens pas là par hasard. Et mais quand t'es une personne un peu timide ou introvertie, est-ce que quand justement t'as pas un cadre et tu sais où tu amènes ta discussion, parce que là tu sais exactement en gros ce que tu vas dire, tu sais que personne ne va venir mettre son grain de sable pour te couper, te déstabiliser un petit peu, donc du coup t'es à l'aise et du coup t'es sûrement autrement qu'en IRL. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, je pense, ouais. Peut-être, ouais. Ouais. Donc finalement, on n'est pas... Quand on enregistre, on n'est pas la personne qu'on est réellement, peut-être. Pas tout à fait, non. Ouais, je pense pas, non. Moi, ouais. je suis vraiment trop à fond dans le truc, j'ai besoin... D'être fier, en fait, de ce que j'ai fait, tu vois, de pas avoir fait le truc à la légère, de me dire, ok, j'imagine que les gens comptent quand même un peu sur l'émission pour, je sais pas, pour apprendre des trucs. Et d'ailleurs, je pense que c'est de loin, de très très loin, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, en tout cas, ça dépend des podcasteurs, j'imagine. Mm-hmm. Mais moi, mon but, c'est pas de faire marrer les gens. Ça, c'est... Ouais, je le fais parce que je j'arrive pas à faire autrement, mais c'est pas mon but. Genre, je m'excuse d'être sympa. Hein. Non, mais vraiment, faut pas m'en vouloir. Hein. Je fais pas exprès. Mais, Peut-être, je sais pas. Et non, moi, mon seul but, c'est vraiment de bien couvrir le sujet et rien ne me fait plus plaisir que qu'on me dise j'ai appris un truc. Ah ouais. C'est tout. C'est ce qui compte le plus. Et c'est là-dessus que je vais le plus me mettre la pression quelque part. C'est à la base, c'est un sujet qui m'intéresse, heureusement. Donc pour toi, la question, c'est pourquoi tu fais du podcast ? Ben, à la base, c'est... je peux te raconter effectivement le tout début. C'est ce que je veux savoir, c'est pas comment t'es venu à faire ça, mais pourquoi et ce que ça implique ? Ben justement, il y a une évolution, c'est-à-dire que au départ, j'écoutais des podcasts tech, genre le Rendez-vous Tech, qui est quand même assez ancien maintenant, et comme moi, de mon côté personnellement, en dehors de l'émission que j'écoutais, je me tenais aussi très informé de tout ce qui se passait dans ce domaine, il y a des fois, en écoutant l'émission, je me disais, mais ça, je pourrais le faire aussi, en fait, vu que je me tiens informé. Après un jour j'ai eu l'opportunité de le faire, je me suis dit allez, on verra bien comment tu te démerdes, puis au pire c'est quand même une démarche assez incongrue quand tu penses, si t'es quelqu'un qui justement, tu viens de dire que t'es quelqu'un qui va pas forcément prendre la parole, et d'un coup tu dis je vais aller sur un média on va dire un peu alternatif pour le nommer comme ça, et là d'un coup tu te dis je vais prendre la parole. C'est quand même à contre-pied de ce que t'es, quoi. Oui et non, parce que j'aurais pas fait de moi-même, en fait. J'aurais pas lancé une émission tech. Je me serais pas dit, maintenant je veux absolument faire ça et il faut absolument que je trouve des gens avec qui je le ferai et tout machin. Ça n'allait pas plus loin que de me dire ça. Si je pouvais, je le ferais. Et un jour l'occasion s'est présentée et puis je me suis dit, essaye, tente le coup. Et pour la musique, bizarrement, c'est pareil aussi. Hein. Aujourd'hui, j'ai un groupe, on fait des concerts, on a sorti un CD et tout. Mais à la base, j'avais ma gratte, je jouais dans ma piole et j'avais absolument pas l'intention de faire ça. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour, mais au lieu de jouer tout seul comme un con, tu veux pas qu'on essaye de faire un truc ensemble ? Je dis, ouais. Parce que Je cherche pas à me mettre en avant et à me dire il faut absolument que je le fasse et tout, c'est mon but et tout machin. Si l'occasion se présente, par contre, je vais pas dire non. Tu vas pas hésiter. Ouais. Enfin, je vais, c'est pas que je vais pas hésiter. Je vais me dire j'essaye, on verra bien comment je me démerde. Et tant mieux si ça se passe pas trop mal. Et du coup, ça t'apporte quoi ? Ça m'apporte quoi ? Ah. Ça, c'est une putain de question. N'est-ce pas ? C'est très bizarre, hein. On se dit, à quoi ça sert ? Ouais. C'est ça, en fait, hein, c'était la question qui t'est revenue. À quoi ça sert ? Ouais. Je te dis, moi, il y a un truc vraiment qui me plaît, c'est de me dire que peut-être les gens qui ont écouté ce que j'ai pu raconter ont appris un truc. Ouais, d'accord. J'ai vraiment... Transmettre. Ouais. J'adore ça, parce que 24 FPS, je suis désolé, j'arrête pas de revenir sur 24 FPS. Ah, t'es en boucle, hein ? Oui. Non, je te taquine, mais bon, c'est sûrement que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, pour le coup. De toute façon, je serais pas là si je faisais pas 24 FPS, je pense. Mais je veux dire, par là, en tout cas... Tu serais pas là ? Oui, avec toi, en train de faire cette émission. Ah ! C'est certain. Oui, voilà, on est d'accord. C'est certain, oui. Forcément. Là, c'est, jusque-là, c'est logique. Mais le concept de ce que je fais dans 24 FPS, pour moi, ça existait bien avant que je fasse 24 FPS. Je veux dire, si j'ai un pote qui me demandait... T'as rien inventé, hein ? Non, ça c'est clair. Vous, t'as rien inventé. Non, ouais. Mais voilà, si j'ai un pote qui me posait des questions sur un film, je lui disais, alors ça, justement, ça, c'est une référence à ça, ça, c'est... J'adore ça, en fait. Parce que c'est une recherche que je faisais déjà pour moi-même à la base, et si j'ai l'occasion de le transmettre, ça me fait super plaisir, quoi. C'est un partage, quoi. Ouais. Non, mais je comprends. Ouais. Peut-être qu'on a besoin, en fait, quand on a quelque chose qui nous plaît ou qui nous tient à cœur, on a besoin de le partager avec quelqu'un, c'est... Difficile à expliquer, mais... Ouais, c'est pas évident, ouais. je sais pas, c'est, ouais, je cherche pas à me mettre en avant, je cherche pas à justement à devenir un personnage de podcast. C'est pas ça qui m'intéresse le plus dans la démarche. C'est vraiment de, alors c'est, ouais, peut-être que je vais trop dans les détails parfois après dans mes émissions, mais j'ai besoin, enfin j'ai envie en fait de faire ça. J'ai envie de me dire ok, que les gens qui ont écouté, qui ont pris le temps d'écouter, en plus nous on est super long, bah s'ils ont pu en tirer quelque chose, c'est que je me suis pas trop foutu de leur gueule, et enfin voilà, ouais, j'ai envie, juste envie d'être fier de ça, quoi. Non, moi j'aime bien allez, ça va être la partie lèche-cul, tiens. Ah cool. Ça c'est pour te mettre à l'aise. Oui, oui, ça va. Ouais, ça bon, va, on la saute. Sympa, ouais. Hop, salut. C'est pas grave. Non, non, mais tu vois, tu vas voir un film. Ouais. Et puis après, moi j'aime bien quand vous faites toute la partie du début, du commencement, le réalisateur, qu'est-ce qu'il a fait d'autre et tout ça. Et en fait, ça donne plein de petites choses encore plus sympas pour apprécier encore mieux le film, même si on l'a déjà vu, on se dit ah ouais, il y avait ça et ça. Comme moi je suis quelqu'un qui retient pas les réalisateurs, qui retient pas les, enfin je vais voir un film, c'est tout, quoi. Donc avec le plaisir de juste aller voir un film, je suis pas sûre que, enfin moi je me demande toujours du coup si t'as encore ce plaisir, et puis après tu vas voir où je vais, mais le plaisir d'aller juste voir un film pour voir un film sans penser à autre chose. Et je me demande du coup maintenant si toi tu l'as toujours quand tu vas voir un film. Est-ce que tu as encore cette oui, truc qui fait que t'as rien d'autre à penser. Peut-être que quand tu es en train de mater le film, tu te dis ah, il y a ce petit truc qu'il faut surtout pas que j'oublie de noter, parce que enfin de noter entre guillemets, hein, que je mémorise. Pour en parler, ah tiens, il y a ça, j'aimerais, ça serait bien d'en parler et tout. Du coup, ça doit être chaud quand même des fois. Hein. Ça dépend des films, je veux dire, parce qu'il y a, il est déjà arrivé qu'on fasse des émissions sur des films dont on n'avait finalement pas tant envie de parler que ça. Donc là, on se force un peu, mais c'est très rare. Ouais, mais quand tu vas le voir, tu te dis quoi quand tu arrives dans la salle? Bah, maintenant que, depuis que je fais 24 FPS, forcément, je me mets un peu la pression. Je me dis, ok, il va falloir que je prenne des notes mentalement, il va falloir que je relève tout ce que je peux relever pour le ressortir. Au même titre que quand tu lis un bouquin, si après tu dois l'expliquer, ou si tu dois relever une ou deux phrases sympas, ou je sais pas, hein, eh ben, tu le lis pas de la même façon que si t'as juste rien à faire d'autre que de le lire. C'est vrai. Pour le plaisir, c'est comme par exemple quand j'étais au Bahut, t'as un cours d'histoire, tu sais qu'il faut que tu mémorises le plus de trucs possible parce que tu vas avoir une interro et tout. Maintenant quand tu t'interroges sur un truc un peu historique, tu vas lire avec plaisir, ou si c'est un podcast comme je te disais que j'écoutais Temporium, tu l'écoutes juste pour plaisir, en fait. Il n'y a personne qui va t'interroger sur quelque chose. Donc, tu vois, tu as ce côté beaucoup plus libre. Que, voilà. Et c'est pour ça que je me suis... que j'ai décidé d'arrêter de parler toute seule de podcast. Alors, bon. Voilà, hein. Je vous fais un aveu. Hein. Je suis quelqu'un qui change souvent d'avis. Donc... En même temps, il ne faut pas se forcer, hein. Donc voilà, et du coup, tu vois, quand je commence quelque chose, je suis souvent quelqu'un qui programme la fin. Donc, je m'étais dit, si je viens à devoir écouter quelque chose, pas en me forçant, mais en me disant, ouais, faut que j'écoute ça, parce qu'il faut que je parle de quelque chose la prochaine fois. Là, il n'y a plus le côté naturel, il n'y a plus le côté... je sais pas, enfin voilà quoi, t'écoutes parce que t'écoutes, et puis t'as envie d'écouter ça, t'écoutes ça. Et je me suis mise à penser, ah merde, non, faut pas que j'écoute ça, parce que ça j'en ai déjà parlé, donc j'ai peut-être en écouté un autre dont je n'ai pas parlé, et du coup je l'ai pas écouté, on peut pas dire de bon cœur, mais je l'ai écouté en me disant, il faut que j'écoute un nouveau truc. Pour en parler. Voilà, pour en parler, et du coup, là je me suis dit, ah ben voilà. Là, voilà la limite que je m'étais mise au départ. Donc, je l'ai atteinte. Et donc, je savais que c'était la fin. Donc, j'arrête là. Mais enfin, c'est un peu, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu bizarre comme non. truc. Mais voilà, je m'étais pré-programmé une espèce de limite, et du coup, j'avais atteint cette limite-là, donc je me suis dit stop. Et la semaine dernière, j'ai écouté les podcasts. Alors, je l'ai mis en route et je me suis dit, ouais, je l'écoute et j'ai rien à faire. Enfin, c'est très con. C'est pas un travail hein, de faire un podcast, pas du tout. Du coup, j'ai écouté le truc en me disant, ouais, je suis juste en train d'écouter ça et ça, c'est cool. Tu vois ? Je comprends. Ouais. Et qu'est-ce que c'était que j'écoutais d'ailleurs ? Ah, c'était un vieil agence tout geek que j'avais pas. Enfin, vieux. Pas forcément très vieux, je crois. Il était de avril, mai, juin. J'en sais rien. Okay, mais du coup, voilà. Je l'avais pas écouté. Et c'était sur le transhumanisme. Ouais, je m'en souviens. Très bien, hein, très intéressant. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que je l'avais laissé en attente. Et je l'ai écouté avec plaisir parce que j'avais rien à faire, quoi. J'avais pas de choses à... Je me suis pas dit... Ah oui, mais merde, si je prends... je sais pas combien de temps il dure, 2 heures. Ouais, en général. Bon, un truc comme ça. Je passe 2 heures à écouter ça, j'ai pas besoin d'écouter un autre truc parce que dans une semaine je vais devoir dire quelque chose et que je vais pas parler de ça parce que j'ai déjà parlé d'eux. Et ouais, en plus c'était bien cet épisode. Oui. Du coup, ouais, voilà, je vous conseille d'aller l'écouter. Ouais, c'est vrai. J'ai écouté. Ah, un truc aussi que j'ai écouté que j'ai vraiment bien aimé, c'est pareil, c'était un ancien épisode que je m'étais mis de côté. De podcast science. Je sais pas si t'écoutes podcast science. J'en ai écouté pas mal, mais j'écoute plus de façon régulière, en fait. Je choisis... Et c'était podcast science hors du placard. Ok. C'était sur l'homosexualité, LGBT, tout ça. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je crois pas l'avoir entendu, celui-là. Qu'ils étaient en extérieur, non, ils étaient pas comme d'habitude, quoi. Et il y a un moment, moi j'ai trouvé ça super sympa parce qu'il y avait un moment très émouvant où tu avais Alan qui avait écrit un petit discours, un petit topo, enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, enfin, en tout cas il l'avait écrit et il le lisait et donc il expliquait toute sa vie, quoi, en fait, hein. Enfin sa vie, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais tu vois, j'ai trouvé ça super touchant, en fait, d'entendre des gens parler comme ça d'eux, et puis en même temps, ouvrir une porte en disant s'il y a d'autres personnes qui sont peut-être comme moi, ou dans le même ressenti que moi, et ben, voilà, vous n'êtes pas tout seul, je suis là aussi. Enfin, j'ai trouvé ça super agréable à entendre, et là, tu vois, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le côté très personnel du podcast. Ouais. Tu t'attaches vraiment à la personne, et puis t'es contente. T'es content de découvrir une personne, finalement, tu la découvres pas parce que c'est des choses dont, quelque part, tu le savais, ou je sais pas, ou, ben, bref. Et du coup, ouais, c'est un épisode très, très bien, très intéressant. Ok. Ouais, c'est ça, sort du... Ouais, c'est ça, ça. Podcast science sort du placard. Et du coup, j'avais rien à... Enfin, je les ai écoutés juste comme ça, tu vois, avec le plaisir juste de l'écoute. Alors, pour répondre à ta question sur les films... Il y avait une question ? Ah oui. Oui. Pardon, je suis un petit peu partie là. Non, mais c'est totalement raccord. Moi, j'ai un peu oublié ce que c'est, effectivement. Alors, ça dépend, en fait. Mais si je vais voir un film au cinéma, un film qui sort, ça fait tellement longtemps que je suis dans la démarche de me dire « Ok, il faut que tu sois super attentif, il faut que tu essaies de repérer peut-être ce que les gens n'auront pas repéré pour pouvoir le ressortir. » Même si je fais des recherches plus tard, mais... d'ailleurs, souvent, je précise quelles sont les choses dont je me suis rendu compte et quelles sont les choses que j'ai trouvées en faisant des recherches. Je préfère faire clairement la différence. Encore une fois, parce que je tiens pas à tirer la couverture à moi, à dire « Ouais, je sais tout et tout, j'ai tout capté. » C'est pas vrai, c'est pas du tout le cas. Ah, pourtant, c'est ce qu'on ressent. Non, je déconne. Non, c'est bien, c'est bien. Ça t'aide à continuer ton... Oui, merci. Ah non, mais je vois bien. Et fallait pas l'inviter. Ah merde, c'est moi qui invite. Oui, c'est vrai. Mais fallait pas accepter. Allez, ouais, vas-y, c'est bon, j'arrête, je me tais. Voilà, hop. C'est oui du coup parce que oui mais c'est en fait c'est quelque chose que je faisais déjà bien avant que 24 FPS existe. Ah oui d'accord, t'as toujours été dans cette démarche de recherche quand enfin ouais. De, d'analyse. Bon, ouais, finalement ouais. Quand enfin, tu regardes un film. Il y a un jour enfin toujours j'ai un certain âge il y a un âge où j'en avais rien à foutre mais un jour ouais j'ai eu un déclic, je me suis dit mais ouais, c'est vrai il y a des trucs derrière, il y a des trucs sympas à relever, il y a des références que si tu fais pas gaffe tu les relèves pas et en voyant les films, je me disais, ok, si je l'ai capté... C'est un truc de maniaque, ça. Ouais, j'ai envie de dire, c'est un truc de geek, ouais, quelque part. Même si j'aime pas le terme, parce qu'il est beaucoup galvaudé depuis quelques années, mais ouais, c'est un pur truc de nerd, alors, pour le coup, ouais, on va dire plutôt. Et j'aime bien aller voir mes potes, leur dire, mais hey, t'avais capté ça dans le film et tout. Alors, s'il me dit oui, je dis, ok, c'est excellent, non, c'est génial d'y avoir pensé. S'il me dit non, alors, je dis, bah ouais, en fait, il y avait ça et ça et tout, machin. Donc, au final, bien que je me sois retrouvé à faire de la critique de film, encore une fois, totalement par hasard, c'était il y a quelques années, j'avais envie d'ouvrir un blog, j'avais envie d'écrire, mais je ne savais absolument pas sur quoi. Donc, j'ai démarré ce blog, et au début, je ne m'étais pas imposé de thématique, donc je parlais vraiment de ce qui passait à droite à gauche. D'ailleurs, les premiers articles n'étaient pas bien fous. De toute façon, c'était pour... Enfin, je m'en foutais, en fait. C'était juste pour le plaisir d'écrire sur deux, trois trucs. Et un jour, je vais au ciné, je vais voir un film, et je ressors du film, je me dis, mais merde, voilà ce que je pourrais mettre sur mon blog. Parce que je me demandais toujours, mais putain, de quoi je pourrais bien parler sur ce blog de merde que j'ai ouvert, mais que sans avoir aucune idée de ce que je pourrais mettre dessus. Et je me suis dit, bah tiens, ouais, c'est pas con, je pourrais dire ce que j'ai pensé du film que j'ai vu. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, par hasard, en fait, c'est pas... Mais j'étais déjà dans cette démarche de retenir les choses, de... Donc après, ça s'est traduit d'abord à l'écrit, et puis bon, maintenant, à l'oral. Et pour en revenir à ton truc de ciné, ça c'est vraiment, moi, un truc que j'adore, je ne sais pas ce que je vais voir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me dit, tu viens au ciné? Ouais, ok. Et si on commence à me dire, parce que c'est un film... Non, stop. Même pas le titre, rien du tout. Moi, j'aime bien. Allez, vas-y, on se pose et je sais pas. C'est de la SF, c'est un truc fleuve, amour, on va me pleurer, un truc comme ça, je veux même pas savoir. Et il y a rien de mieux. Quand tu commences un film, écoute, si vraiment tu as l'occasion, tu mets un film en route sans savoir le thème. Parce que si tu sais déjà à l'avance que c'est de la SF, tu es inconsciemment. T'es déjà conditionné. Voilà. Tu vas savoir que telle action va finir par un truc qui va être un petit peu hors du commun. Ouais. Bon, voilà. Si tu sais que c'est quelque chose où, à la fin, tout le monde pleure, machin, tu sais que l'histoire d'amour va forcément se passer mal. Enfin, tu vois, il y a un style. Le style conditionne la fin. Un peu, ouais. C'est obligé. Ouais. C'est obligé. Donc, du coup, tu vas voir un film sans savoir. C'est juste génial, quoi. C'est ça qui est important. Bah, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Ouais, tu vois. Non, mais ça tombe bien qu'on parle de podcast. Oui, ah oui. Ça nous permet de parler de tout le reste. Oh mon Dieu. Non, mais c'est difficile d'avoir une discussion qui se suit avec moi. Je le conçois. Ouais, bah c'est pas gagné avec moi non plus. Je veux dire, si je sais que j'ai un sujet à traiter, je vais être stressé jusqu'à ce que j'arrive au bout. Ah ouais. Mais sinon, je m'en fous. Ouais, moi, rien ne me fait plus plaisir que de discuter. Ah bah, du coup, ça tombe bien. Ouais. Alors, j'aime bien les histoires qui se finissent de façon nette. Ça, je l'ai déjà dit dans 24 FPS plus d'une fois. Et, parce que les fins ouvertes... Si après, c'est pour que tu aies des débats sans fin... De toute façon, la réponse, tu l'auras pas, en fait. Donc, c'est des débats sans fin. Et, c'est un peu idiot, ouais. Il y en a quelques-uns qui le font bien, peut-être, mais... C'est rare. Moi, j'aime pas trop ça non plus, quoi. C'est un peu de l'arnaque, effectivement. C'est un peu... J'ai presque envie de dire, je savais pas comment finir, alors démerdez-vous. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'aime pas ça. Moi, j'ai envie de dire au gars, tu viens terminer. Bah ouais. Ouais, c'est clair. Non. Bon, allez, on a dévié beaucoup. Je sais pas. Je peux te parler de ce que j'écoute ? Ah bah oui, on était parti pour ça. À la base, allez, j'ai vas-y. J'ai pas tout en tête. Alors, bon, deux, trois trucs, ouais, spécifiques, effectivement, je pense que... Oui, dis-moi, parce que j'aimerais bien savoir, par curiosité. Et puis, si j'en ai en commun avec toi. Alors, qu'est-ce que je fais avec les podcasts ciné, justement parce que t'en écoutes aussi, en plus d'en faire, bah oui, non? Ben, un peu, forcément, j'ai envie de dire, parce que, quelque part... Pour te comparer? Non. Non, c'est pas ça. Ça reste quand même un sujet qui m'intéresse un peu. Et la formule de 24 FPS, l'histoire du avec ou sans spoiler, est née du fait que ça me gonflait dans les podcasts ciné que j'écoutais, qui fassent pas la distinction, ou même souvent qui disent on va pas faire de spoiler, mais évidemment ils en font quand même. Et je me disais, après avoir fait un pilote qui était totalement indiffusable, où cette formule n'existait pas pour 24 FPS, je m'étais dit, mais ce serait quand même plus sympa si, au lieu de juste prendre un film et puis on discute pendant 2 heures de ce qu'on en a pensé, d'essayer d'avoir une approche un peu plus originale, quoi, d'essayer autre chose de ce qui existe déjà, parce que des podcasts ciné, il y en a plein, en fait. Et j'y réfléchis. Qu'est-ce qui me gonfle dans les podcasts ciné? Bah, c'est ça. C'est quand les gens disent non, mais vous inquiétez pas, on va pas spoiler. Et puis à un moment, t'en as un qui dit là je suis obligé de spoiler pour vous parler d'un truc, alors avancez de 5 minutes et tout. Alors je sais pas, quand t'es en bagnole, un truc, tu peux pas avancer de 5 minutes, c'est super gonflant. Donc je me suis dit, bah voilà, on va faire ça. On va faire une partie sans spoiler, on délimitera ça avec un signal et puis après. Bon, il y en a que j'écoute plus, mais ouais, du coup, je sais pas si c'est intéressant, mais enfin, vite fait. Tu m'as fait découvrir 2 heures de perdu. C'est génial. C'est vrai, c'est rigolo. Ouais. Alors, j'ai pas beaucoup de mérite, hein. C'est Parcimonie qui me l'a fait découvrir déjà à la base. Mais bon. Okay. Non, mais c'est bien fun, il défonce les films. Alors, à un moment, parce qu'au début, ça parlait, il me semble, principalement de mauvais films. Je vais pas dire, je les ai pas tous écoutés, hein. Mais pas forcément des mauvais films. Mais justement, à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, je vois qu'il y a aussi des films qui sont des putains de bons films. Et, bah oui, hein, ils ont détesté aussi. Ouais. Moi, quand j'ai regardé Speed, au moment où je l'ai regardé, ouais, j'ai bien aimé. Enfin, je suis désolée, mais moi, j'avais l'âge que j'avais aimé. Et Speed. Du coup, non, mais on était tous fans de l'acteur principal, comme des ados. Tu vois bien, quoi. J'étais voir 3 fois Speed au ciné. Ah, quand même. Ouais. Bon. À l'époque. Là je te taquine. Oui. Mais c'est vrai que il y a des films comme ça dont ils ont parlé qu'on a clairement adoré, quoi. Mm-hmm. J'étais très curieux d'entendre l'épisode Jurassic Park parce que je me disais, mais attends, ils vont défoncer Jurassic Park. Ouais, exagéré exprès. Quoi. Non, mais ils soulèvent des trucs qui sont vraiment malins, qui sont super intéressants et tout en déconnant, et j'aime beaucoup. Mais moi j'aime bien parce qu'en fait, c'est quand je mate un vieux film, c'est à peu près dans l'esprit là que je suis et je me gêne pas, quoi. Mais c'est souvent des films, il y en a qui vieillissent mal quand même. Oui, bien sûr, à fond. Et puis voilà, donc 2 heures de perdu, ouais, ça c'est une découverte récente grâce à une fille, un podcast. Mais sinon, dans le domaine des podcasts ciné, alors il y a les... Moi, ça me fait plaisir quand quelqu'un découvre quelque chose juste comme ça, parce que j'ai trouvé que c'était bien. Bah ouais, mais j'en avais jamais entendu parler, hein, franchement. Mais tu l'as bien vendu. Puis c'est une approche qui me branche aussi, je veux dire. Après, il y a des gens peut-être qui n'aiment que les critiques sérieuses, hein, je sais pas, genre. Je crois que c'est pas la seule fois, parce que j'ai déjà fait écouter un podcast une fois à mon mari, qui était sur... le thème, c'était sur Facebook et c'était dans Nip Life. Du coup, il avait dit, tiens, c'est intéressant, et on avait écouté jusqu'au bout ensemble, et on a écouté, un 2 heures de perdu dans la voiture. Ah ouais. Un des rares podcasts qu'il a bien voulu écouter jusqu'au bout, et voilà, ça c'était cool. Je sais plus c'était lequel. Ah bah c'était Avatar. Ouh, celui-là, il doit être coton, je l'ai pas encore écouté. Ah, il est très bon. Il est très mal, ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Excellent. Bah après, ouais, dans les podcasts ciné, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a ceux que je considère comme les, je sais pas comment dire, les spécialistes, les champions, les maîtres absolus, je veux dire, les split screen, quoi. D'accord. C'est totalement ce que je recherche, moi, dans un podcast ciné, c'est-à-dire au-delà de la critique. C'est pas que les critiques m'intéressent pas, mais je veux dire, justement, aller voir derrière les détails, comment ils ont fait, comment ils ont machiné tous les trucs et tout, sur des films cultes, en plus des films générationnels. Alors ça, c'est mon kiff absolu, quoi. Split screen. Mais après, c'est très spécifique pour le coup, c'est peut-être un peu technique comme approche, mais quand on kiffe, il n'y a pas mieux. Je connais pas. Enfin, ouais. Je connais le nom, ouais. Mais j'en ai jamais écouté, en fait. D'accord. Donc tu me diras quel épisode t'as préféré, comme ça on en mettra un extrait, d'accord? Ah, écoute, non mais là, pas comme ça tout de suite, ouais. C'est bon, on a le temps. C'est, en fait, choisis presque un film qui... N'importe quoi. C'est que des films cultes, hein. D'accord. C'est The Thing, après c'est du fantastique, donc t'as The Thing, Robocop, est-ce qu'ils ont fait Alien ou est-ce que j'ai halluciné, je sais plus, je crois qu'il y a Alien. Eh ben, je mettrai un extrait. Ouais, enfin voilà, c'est énorme. C'est, d'accord. C'est mon maître étalon du podcast ciné, clairement. Je l'aurais déjà dit, hein. Enfin, je l'aurais dit. Sur Twitter, My way or the highway. Vous écoutez Split Screen, l'invasion des profanateurs de subculture, séquence 17. Dans ce dossier, nous allons vous parler d'un film réalisé par David Cronenberg, sorti en 1986, La Mouche. I don't think I get it. What happened? You get it, all right. You just can't handle it. Your stocking has just been teleported from one pod. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau dossier de Split Screen où vous serez accompagné, comme à l'accoutumée, par Gilles. Salut Gilles. Salut. Et par Olivier. Salut Olivier. Salut. Et par moi-même Hervé. Bonjour. Salut à tous. Hervé. Bien, on va donc voici ce dossier. Donc je vais faire ma petite introduction habituelle, très très courte. Sorti le 21 janvier 1987 en France, La Mouche, réalisée par David Cronenberg, fait partie de ces films qui nous prouvent que les reboots et autres remakes ne sont pas les solutions pour reprendre un concept initial sorti des années auparavant. C'est un film qui est considéré comme une série B, mais malgré que le film soit en couleur, qu'il ait un format bien, je sais plus si c'est Panavision ou autre chose, mais enfin un format très utilisé à l'époque. La pointe technique, ouais. Voilà, c'est ça. Mm. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme un film B. Mais d'ailleurs, même Vincent Price sur le tournage était explosé de rire à certains moments. Surtout la scène finale où il fait écraser la mouche. Ouais, c'est vrai que c'était. Il devait se retenir de rigoler, ouais. C'est vrai que c'était rigolo, même la vision qu'on a de la téléportation, la machine en elle-même, c'est vraiment un truc qui sort de son époque. Donc. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis on vous donne rendez-vous à la prochaine fois en vous remerciant encore de vos retours. Allez, à bientôt, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Et puis plus récemment, il y a Capture Mag. Donc c'est pareil, c'est un podcast ciné avec des journalistes ou anciens journalistes, enfin des mecs qui sont déjà d'une génération un peu au-dessus de nous, la plupart, et pareil, spécialistes du ciné fantastique depuis super longtemps, donc qui ont des anecdotes excellentes, des analyses qui remontent parfois super loin, j'adore. Ça c'est vraiment... mon kiff suprême. C'est bien parce que c'est vachement raccord avec quand je disais que le cinéma n'était pas forcément passé en premier. C'est cela que j'ai envie de citer en premier. Et bonsoir, bonsoir, c'est Capture Mag, épisode numéro 11. Mais avant de faire les annonces, je vais quand même saluer tout le monde. Bonsoir Julien, bonsoir Arnaud, bonsoir David, Stéphane, bonsoir Rafik et bonsoir à notre invité Thomas Zabo. Bonsoir, bonsoir Thomas. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir. Merci à vous de m'inviter. On est ravis. Les dossiers. Cette fois-là, j'ai pas parlé dessus. Je me suis dit que les gens auraient envie d'écouter ce magnifique jingle Williamsien sans ma douce voix. Alors, qui engage ce dossier numéro 1 qui va être consacré à ce réalisateur en vogue en ce moment sur la George Miller, George Miller, le réalisateur de L'Histoire sans fin 2. c'est ça. Moi, je pense que comme intro, ça serait... Enfin, après, on va revenir sur George Miller, mais ça serait peut-être sympa de demander à Thomas, oui, à notre invité, comment il a découvert George Miller ou éventuellement Mad Max. Sympa. Quoi, en tout cas. Alors Thomas Zabo, comment avez-vous découvert George Miller et Mad Max? Je l'ai découvert quand c'est sorti en France, tout simplement. Mais Mad Max, j'avais entendu parler de ça pendant un petit moment avant de le voir, parce que je crois que ça a été interdit pendant 3 ans, hein, c'est ça. Il était sorti en 80 dans une version expurgée, justement. Il a été menacé d'un classement X dans la version qu'on connaît aujourd'hui. Merci Arnaud, merci Julien. Et puis à dans combien, un mois? Normalement. Là, tu sais, c'est fini le cinéma. Hein. Cette semaine, ça s'arrête. Hein. Bah, après, il y a Jurassic World. Il n'y a plus rien. Après Mad Max. J'en étais sûr. Après Mad Max. Il y a Roland Emmerich qui sort là. Il tourne. Mais attends, tu dois plus en parler. Il y a le Sea Ark. C'est vrai qu'Arnaud nous en parle sur Facebook déjà depuis un moment. Il tourne la suite d'Independence Day, ton copain Roland là. Super, super. J'attends ça avec impatience. Allez, bonne nuit à tous. Sinon, il y a les copains de Podsac. On a déjà fait des trucs ensemble. Je connais pas Podsac. Tu connais pas Podsac? Non, je connais pas. Maintenant, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'ils avaient un... Alors, tu dis les potes, ils sont combien? Alors, ils étaient trois. Enfin, en fait, ouais, la formule a évolué, si tu veux. Enfin, je veux pas parler à leur place non plus, hein, mais ils étaient trois. Ils commentaient un peu soit les sorties ciné, bon, sur un format un peu plus court que le nôtre. Même beaucoup plus court, souvent. Apparemment, trois potes qui se connaissent depuis très longtemps. Et donc, et pareil, qui sont des cinéphiles hyper pointus, autrement, vraiment, hein, c'est pas de la fausse modestie, mais autrement plus pointus que moi, vraiment. Notamment Jérôme, avec qui je partage donc le prénom. Mais lui, c'est un putain de spécialiste. C'est assez impressionnant la connaissance qu'il peut avoir du cinéma fantastique, et vu bah, c'est un domaine que j'aime bien, donc voilà, forcément ça m'intéresse. Redis voir, Podsac, P-O-D-S-A-C. Et ouais, comme dit, la formule a évolué. En fait, ils ont commencé à faire des hors-séries, donc justement avec Jérôme qui prend des films cultes. J'espère que je dis pas de conneries, hein, parce que comme dit, c'est pas mon émission, mais qui prend des films que lui adore, qui sont pas forcément toujours très connus, ça dépend lesquels, et qui invite d'autres gens avec lui. J'ai participé une fois à un pot de sac comme ça, donc ça c'était, comment ça s'appelle, Epla, et Village pas l'affaire. C'était un truc qu'ils faisaient en dehors de pot de sac, mais qu'ils ont intégré par la suite. Et donc ils confrontent généralement des films qu'il adore, des vieux films pas toujours très connus, à des avis extérieurs en fait. D'accord. Et c'est super sympa parce que des fois, il y en a qui démontent les films, qui disent mais pourquoi tu m'as fait voir ce truc. Donc il y aurait des gens qui inciteraient d'autres à voir des films, ouais, et qui seraient hallucinants à regarder. Attends, ça me rappelle quelque chose. Et tu sais que ça, des fois, ça me fait flipper quand il y a des gens qui me disent, qui nous écrivent à 24 fps, qui disent ouais, il y a des films, j'aurais jamais été les voir, mais vous avez fait une émission dessus et tout machin, donc je me suis dit, ah, faut absolument que je le voie juste pour écouter l'émission. Mm-hmm. Donc, je suis allée regarder quand même Stalker. Ah ouais, ouais, mais Stalker, non, ouais, Stalker, fallait pas. Monsieur ? Ah non, c'était un film de Julien. Oui, ouais, bah justement, ouais. pour une fois, j'ai rejoint. Je me souviens son plus. Côté. J'ai un doute, Jonathan, il avait pas kiffé non plus, non ? Je sais plus. Oh si, monsieur. Non, Jonathan, je crois qu'il fait partie des gens qui disent que pour le côté culturel, il faut se forcer. Ah ouais. Putain, t'as l'air convaincu là. Ouais, totalement. Non, t'as l'air convaincu. Stalker, c'était une expérience tellement difficile dans ma vie. Que... Non, quand même pas ce point. Putain, 3 heures d'ennui mortel, total. Moi, j'ai peur que les gens... Enfin, si moi, j'avais conseillé ce film aux gens, je comprends que les gens sont en colère. Franchement. Eh ben, pas moi. Moi, j'ai passé une super soirée à me faire... chier. Non, c'est pas vrai. Ouais, je suis d'accord qu'il faut se forcer de temps en temps pour le côté culturel du truc, parce oui, qu'il faut l'avoir vu, il faut remettre ça dans son contexte, et j'ai passé une super soirée à faire découvrir ça à ma copine, voilà. qui m'a clairement maudite, mais c'est pas grave, je l'emmerde, si tu m'écoutes, Ça fait plaisir. Sache que c'est grâce à moi que cette soirée-là, tu t'es cultivée un peu. Okay. Et c'est intéressant. Il y a plein de choses comme ça. J'ai passé une partie de l'été à mater des vieux films que j'avais ratés, ou alors à mater des films où j'avais juste lu le bouquin. Donc je suis allée regarder par exemple Voilà. Ah ouais, ça va être simple. J'ai ce problème aussi, tu sais. C'est quoi Fahrenheit 451. Ouais. Que j'ai lu en livre il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Que j'ai lu en livre, bah oui, hein, parce qu'en parlant en livre, oui, je ne vois souvent, pas trop comment on peut le lire. Moi, c'est bête ce que je dis. Mm-hmm. Et du coup, je n'avais pas vu le film. Je suis allée le mater. C'est un vieux film. Ouais. Et ce n'est clairement pas des choses que tu regardes avec le plaisir d'un divertissement. D'un film actuel, ouais, il faut pas se faire violence, faut pas exagérer, ouais. Mais il y a une autre attente que juste le plaisir du oui, film. Oui, c'est vrai, voilà. Après... Il y a plusieurs, j'ai un peu passé l'été à faire ça. D'accord. Bon, je t'ai déjà dit que j'avais passé un été de merde. Ouais, c'est possible. Ben, ouais. Il y a plusieurs films, vieux films comme ça que... Je me suis refait et c'est pas mal. Entre Stalker et Fahrenheit 451, t'as vraiment pas de bol parce que... Mais c'est... non, bah, eh ben non, j'ai aimé. T'as aimé le film Fahrenheit 451? Non, ce que j'ai aimé, c'est le comparer. Ah, le, d'accord. Le pour comparer ça, au oui, bouquin. Oui. Voilà. Ah, moi, c'est vieux, mais j'ai lu et j'ai vu le film aussi. Et tout ce que je me souviens, c'est que le film est incroyablement chiant. Je l'ai pas trouvé si chiant. Ah ça. Non, j'avais pas aimé. Mais c'est l'idée qui est intéressante. Ah, le concept est génial. Voilà, c'est le développement de l'idée, bien c'est la philosophie du truc. C'est pas juste... voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Okay. Je t'en sors bien. Mais oui, oui. Mais j'ai trouvé la fin géniale. Voilà, j'ai trouvé l'idée géniale. Moi, voilà, ça me suffit. Okay. Même si le film est... Bon, il est vieux, ouais, donc du coup, on ne s'attend pas forcément à ça, mais... Allez. Ok. d'où on est parti ouais, un non. autre podcast, donc ouais, on a... Comme dit Podsac, ça a évolué. Voilà. Maintenant, il y a plus de Heavy Lâche pas l'affaire que de Podsac, mais bref. J'aime beaucoup, parce que c'est ouais. Pareil, c'est une approche différente, finalement. On est, je ne sais pas combien de connards à faire tous la même émission, à aller voir les films qui sortent au ciné et à dire ce qu'on en pense, que ça fait du bien d'entendre autre chose, mm-hmm. en fait. De parler d'autres films, de vieux films, de choses beaucoup plus inattendues... Parce que comme dit, on est suffisamment sur le créneau. Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast... Sérieusement. Accro. Au cinéma. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler de... Et oui, comme vous l'avez reconnu, ce soir, nous allons parler de notre grand... ami le monsieur Godzilla, donc le film est sorti ce mercredi. Mais il subit l'accent, mais finalement c'est un peu le propos du film, quoi. C'est-à-dire que finalement ouais. on s'en remet à Godzilla pour se battre contre les monstres, et du coup les hommes finalement ils font pas grand-chose, ils ont des idées qui foirent à chaque fois. Et, C'est parce que le film en fait, comme je disais tout à l'heure, il est mis à hauteur d'homme, et c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est bien vu, c'est-à-dire qu'il est suffisamment neutre pour que tout le monde puisse s'identifier à lui. Bah on va voir si Thibaut est déçu que Godzilla soit un gentil... On verra, effectivement. Non, donc ouais, moi je conseille vivement, et à tel point que je vais retourner le voir au cinéma, et que dès que le Blu-ray sortira, je sais que je l'achèterai pour le revoir en Blu-ray, ça va être magnifique en Blu-ray, donc voilà, Gareth Edwards, vraiment très très beau travail de réalisation, et ouais, je conseille vivement. Et puisqu'on passe les plats, je passe un plat à Jérôme, et je te laisse la parole pour que tu nous évoques, peut-être, maintenant que nous avons parlé de ce film que nous avons tous aimé, de musique peut-être, et de tes coups de cœur. Oui, alors rapide, comme d'habitude avec moi. Quatre disques, en fait, messieurs, quatre disques. Alors les deux premiers, je les mets ensemble, c'est de la musique, c'est du métal symphonique. Ouais, quatre disques, c'est... Non, quatre... je vais vraiment pisser. Hein. Non, mais je vais faire vite. À bientôt. C'est vrai, d'ailleurs, en fait, juste avant ça, tu as reçu une lettre recommandée, toi aussi, avec Podsac en tête. Tu es viré parce que tu écoutes Imagine Dragons. Adieu! Alors, incontournable, il faut quand même que j'en parle. Je tiens absolument à mentionner les podcasts québécois. Ouais, j'espère que je sais pas de quoi. Tu vas me dire quoi? Je suis pas sûr. Ah ouais, c'est si spécifique que ça? Ouais, c'est très spécifique. On sort du ciné, là? Non, pas pour le premier. Non, mais c'est Star Wars en direct. Bon, je vais me pendre. Ah, oh, mais Star Wars en direct, c'est une institution, ça existe depuis 10 ans. Ok. Tu connais beaucoup de podcasts qui existent depuis 10 ans? Non. Ouais, franchement, c'est pas rien, quoi. Bon, après, je crois c'est quoi que tu dis? Les Star Wars en direct? Star Wars en direct, ouais. Alors, pareil, c'est pour les fans hardcore dont je fais partie. Je peux comprendre que si on n'est que vaguement intéressé. Est-ce qu'on peut l'écouter sans costume de Dark Vador? Oui et non. Carrément. Non mais c'est. Ah bah écoute, au moins ça, c'est clair. Je... Honnêtement, si t'as vu que les films. Ouais, ça suffit pas. Non. D'accord. Ah oui, carrément. Ouais, ouais, c'est. C'est pointu. Ouais, je veux dire, les mecs, ils ont lu les bouquins, ils ont vu les séries, ils ont joué aux jeux et tout. Tu sais que je vais être obligée d'en écouter pour pouvoir mettre un extrait. Il y en a des cours, je crois. Tu penses que ça va m'intéresser? C'est vrai? Ben... Non, mais je l'écouterai, je te promets. Bon, de toute manière, déjà, si c'est un accent québécois, il y a déjà 50% de chances que ça me plaise. Okay, ça, c'est donc, déjà, c'est bon. Mais, Après, non, c'est pas que québécois d'ailleurs. Hein. Y a, l'équipe est assez. Mm-hmm. C'est francophone, je dirais. D'accord. Je pense que c'était québécois à la base. Et maintenant, il y a des intervenants français. Et alors, c'est pas toujours les mêmes. Vas-y, parle de quoi, à part Star Wars? Ben, de rien, à part Star Wars. Parle okay. que de Star Wars. D'accord. C'est-à-dire. Là, ça a repris forcément depuis 2 ans environ parce qu'il y a toute l'actu, il y a les nouveaux films qui arrivent. Donc à chaque fois qu'il y a une micro-information qui est dévoilée, ils en parlent pendant des heures pour essayer de savoir de quoi, à quoi ça pourrait aboutir et tout. Alors quand t'es ultra fan, c'est passionnant. Quand... J'ai déjà dit que j'aimais pas Star Wars. Non. T'as bien choisi le moment. C'était une blague. Non mais moi j'ai fait je partie... Je plaisante, hein, bien sûr. J'ai fait partie d'un fan club Star Wars. Les gens vont le croire. C'est jamais. Non, il y a des gens qui détestent Star Wars, hein, je peux comprendre. J'en connais des super proches d'ailleurs, alors des fois c'est dur. On connaît toujours quelqu'un. Ouais, c'est ça. Pour tout. On connaît toujours quelqu'un pour c'est tout. Vrai. Non, mais je plaisante. J'aime bien, je m'en fais pas mon film culte, mais s'il passe, s'il repasse par exemple à la télé, ouais, je vais peut-être me mettre devant facilement, quoi. Une fois, deux fois, trois fois, ça me gêne pas. Mmh. Voilà. Après, j'ai non, d'autres mais... films cultes, mais je l'ai comprendre. Terré là. D'accord. Ça m'intéresse. Ouais. Termine avec Star avec... Wars en direct et je te promets, je vais te dire quel film j'ai vu le plus dans ma vie. D'accord. Cool. Allez, vas-y. Je vais essayer d'aller vite. Alors. Ce qui est bien, c'est je vais essayer d'aller vite. ils ont séparé en fait leurs émissions. C'est-à-dire il y a les émissions généralistes où ils parlent vraiment de un peu toute l'actu qu'il y a eu ces derniers temps. Il y a les épisodes spoiler, c'est-à-dire que il y a énormément de fuites. Oui, ça peut paraître bizarre spoiler pour un film qui est pas encore sorti, mais parce que il y a des infos en fait qui ne sont pas sûres, qui sont pas vérifiées, mais qui seraient des fuites sur le scénar et tout. Et ils ont choisi de le séparer, de faire ça dans des épisodes à part. D'accord. Que je n'écoute pas. Puisque voilà, j'ai pas envie, mais je trouve ça vraiment bien. J'aime, ça doit pas t'étonner, mais j'aime bien ce principe de pas se non. faire spoiler. Mais par contre, j'irai l'écouter, hein, mm-hmm. bien sûr. Et comment des fois, juste que la personne, juste que les personnes, là en l'occurrence, tu dis qu'il y en a plusieurs, ouais. elles soient passionnées de leur truc, des fois ça me suffit à m'accrocher. Hein. Ouais. Donc il se peut que ça m'intéresse. Ok. Un peu. Non, mais si on a envie d'aller un peu plus loin que juste voir le film, on va dire, parce que ça reste quand même assez spécifique, hein, je le cache pas, on est un peu des tarés, les fans de Star Wars, moi j'ai pas de problème avec ça, je le reconnais volontiers. Ouais. Comme dit, j'ai fait partie d'un fan club Star Wars pendant quelques années et j'étais on ne jugera pas avec des gens comme ça, voilà. ne parlons pas des costumes. Bref, et donc. Voilà. Donc forcément, j'apprécie énormément. J'ai fait des animations costumes. Je ne me fous pas de ta gueule. De Star Wars. Non, mais me raconte pas tout. Laisse-moi découvrir ça au fur et à mesure. On aura bien l'occasion de reparler de ça. Ça marche. Non, je plaisante. Mais écoute, chacun son truc. J'imagine que... je te taquine. Chacun sa passion. Ouais. Everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here now. Thank you. Avertissement. Ce podcast contient du contenu qui peut influencer votre expérience des futures productions de l'univers Star Wars. I'm not afraid. L'écoute de cette émission est laissée à votre entière discrétion. Evacuate? In our moment of triumph? I'm going to regret this. Look, don't worry. Everything's going to be fine. Trust me. If what you've told me is true, you will have gained my trust. I wonder if your feelings on this matter are clear. For your own good, stay out of this affair. Now you will experience the full power of the dark side. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Star Wars en direct, édition spoiler numéro 10. Dans cette émission, nous vous donnerons des détails supplémentaires sur le début de The Force Awakens, la description de nouveaux dessins de production, plus de détails sur le rôle de Rey, Luke, Finn, Poe Dameron et Max von Sydow, des révélations sur des super armes, quelques conseils vestimentaires pour vos futurs cosplays et des informations capitales sur le récit du film sur fond de tombeau ancestral Sith. Il y a des fois, tu écoutes des podcasts d'autres choses que de cinéma. Oui. Un autre podcast québécois dont je voudrais vraiment parler parce que j'adore leur formule. Ça va paraître idiot, donc ça parle de musique pour le coup, et de métal. Donc c'est encore une fois très spécifique, très... Allez, vas-y, crache le titre. Donc c'est Boulevard Brutal. D'accord. Ça te plaît comme titre? Faudra aussi que je l'écoute. Non mais tu vois, franchement, Boulevard Brutal, c'est génial. Pourquoi? Mais c'est excellent. T'aimes pas ce nom? Ok. Le métal. Alors donc, attends, je sais très bien faire la personne sérieuse. Donc tu dis un podcast québécois sur le métal, c'est ça? Absolument. Et qui s'appelle Boulevard Brutal. C'est ça. Un podcast québécois qui parle de musique métal. Avec une approche très originale, je dirais, puisque c'est un podcast musical sans musique. Non, mais c'est vrai. Oh, mais j'ai hâte de découvrir ça. Mais c'est énorme, c'est excellent. Donc alors, c'est du métal, ok, sans musique, ok. Je vais, attends. Et c'est une histoire de droit? Pas du tout. Ah oh, bon non, ça, tu non, sais bien que dans le truc dans podcast... Comme ça. Non, non, et en plus, c'est pas tout à fait vrai, parce que de temps en temps, il y a un petit fond musical. Mais d'accord, c'est pas le cœur de l'émission. Ok, alors de quoi il parle? Vas-y, justement. Le métal, en fait, c'est une famille gigantesque qui regroupe en fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de sous-genres, si tu veux. Et à titre perso, même si j'écoute pas mal de métal, honnêtement, ça me ferait un peu chier d'écouter une émission qui me passe du métal, parce que j'apprécierais pas tout. Il y a des styles que j'aime, ouais, d'autres que j'aime pas. Donc je vais pas m'infliger des heures et des heures de musique, même si... Pour les gens extérieurs au métal, je pense que c'est de la même merde du début à la fin. Quand on est dedans. Moi, j'ai pas jugé. Hein. Ah non, je dis pas ça. Mais voilà, quand on est dedans, il y a quand même plein de mouvements différents, plein de styles différents auxquels on est plus ou moins sensible. Une chose qui m'intéresse énormément, c'est la culture métal, en fait. C'est les choses qui se passent, l'histoire du métal qui s'écrit, en fait, en permanence, donc l'actualité, en fait. Et Boulevard Brutal, c'est ça. C'est. Ils vont discuter de l'actualité, ils vont parler des albums qui viennent de sortir, forcément. Mais aussi, je sais pas, s'il y a des incidents, s'il y a des groupes qui se séparent et tout. Donc c'est deux, je pense que c'est deux potes métalleux depuis longtemps. Donc ils vont parler de métal, qui vont parler de musique, de culture métal. Et comme dit, en fond de la discussion, il va y avoir parfois des petits bouts sonores, mais c'est pas du tout le cœur de l'émission, en fait. D'accord, ouais. Et j'apprécie énormément ce concept de parler de musique sans, on s'en fout, enfin, c'est le but, c'est pas d'aller écouter la musique. De toute façon, aujourd'hui, la musique est largement disponible. C'est comme une discussion entre potes, ouais. Je veux dire, quand je discute avec quelqu'un de quelque chose, je vais pas forcément chercher un extrait pour lui. C'est ça. D'accord, ok, je vois. Si t'es vraiment intéressé, tu peux aller écouter les trucs après si tu connais pas, mais là pareil, c'est ultra spécifique. Je veux dire, si tu t'intéresses pas à la culture métal, je te cache pas que tu vas rien comprendre de A à Z, quoi. Rien. Bah dis donc, tu le vends pas bien. Ben, je cache pas que c'est un podcast de niche, mais c'est souvent les meilleurs. Bah oui, si le sujet t'intéresse, ouais, c'est oui, clair. Bah parce que les gens sont super pointus sur le truc-là, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, dont j'aime bien discuter avec mes potes ou avec les membres de mon groupe. Forcément, on va parler de ce qui se passe quand il y a un clash, ouais, entre des musiciens, ou quand il y a un album qui sort et tout machin. Mais je suis super content qu'il y ait un podcast qui parle de ça. D'accord, bon, pareil alors. On va mettre un extrait. Ouais. Et j'irai écouter. Mais... En québécois, c'est ça? Ouais, c'est québécois. D'accord. Voilà, mais voilà, je cache pas le fait que à peu près tous les gens qui sont mentionnés là-dedans, si t'es pas dans la culture métal, ça te dira rien du tout, rien. Jonathan, il dit qu'il faut écouter des trucs, même les trucs que t'aimes pas, juste pour savoir. Je suis d'accord. Non, mais il a raison, c'est vrai. Bah après là, je sais pas si ce podcast-là en particulier, vu qu'il passe pas forcément la musique en question, comme dit, si tu comprends rien de A à Z de ce qu'il raconte, je sais pas si ça va être passionnant. Faut vraiment être intéressé par le sujet. Mm. Ouais. Mais ouais, c'est un des seuls podcasts musicaux que j'écoute pour le coup. Ok. Bon. Parce que je préfère cette approche-là. C'est... Ouais, j'ai compris. Autant discuter de la culture, la musique, je peux aller la trouver moi-même. Ok. Bon, on met un extrait. Bienvenue au podcast de Boulevard Brutal. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du virage mielleux de Lamb of God. Il y a Brent Hinds, l'ineffable guitariste de Mastodon, qui a fait une déclaration choc. Aussi cette semaine, on revient sur le roman savon de Morbid Angel et deux personnalités importantes du métal. Les derniers albums de Maiden, les pochettes sont laides. Ouais, elles sont pas fameuses. Fait que là, sur cet album-là, man, sur cet album-là qui sort le 4 septembre, dans le fond de Book of Souls, c'est la toune Empire of the Clouds. Qui est la une plus... semaine avant l'album de Slayer. Oui, monsieur. Puis c'est ça. C'est la plus longue de l'album. Il y a deux autres pièces sur l'album qui font plus de 10 minutes. Fait que là, tu comptes ça, dans le fond, sur trois tounes, là, t'es rendu à 48 minutes. Oui. Fait que... C'est un album quand même assez long, hein, selon moi, là, tu... 1h30 de nouvelle musique, là. C'est du stock en tabarnak. Ah ouais, c'est du stock, mon gars. Mais ces gars-là, tu sais. Yes, sir. Fait que, merci de nous suivre, puis on se revoit dans le prochain épisode. Cool. Yes. Tiens, d'un côté plus technique, je tiens à mentionner les sondiers. Mm-hmm. Bon, alors, que je connais pas. Ouais, c'est sûr. les sondiers, ça me parle. Alors, c'est rigolo parce que tout le monde l'a cité depuis le départ. C'est vrai. Ah ouais, ben forcément, il y a Blast l'a cité. Ouais, Kenton aussi, Phil aussi. Est-ce que Jonathan l'a cité? Jonathan l'a pas cité. Non, j'en sais rien. Ah, j'ai un peu envie que ce soit sa fête aujourd'hui. Lui. Non, bah ouais, bah t'inquiète, j'ai mérite, un truc hein. Pour après. Ouais, ouais, ouais, ok, ouais. On va s'occuper de lui aussi. Ah, c'est bien. Non, mais j'ai des trucs à dire, vraiment, c'est pas des conneries. Ah, t'as des trucs à dire sur Jonathan? Oui, enfin, sur son émission, pas sur Jonathan. Bon, de toute manière, déjà, on a gagné le défi, hein, puisqu'on a placé les phrases, donc on attend le cadeau. C'est vrai, ouais. Hein, mm-hmm. Et puis, puis après, on lui fait sa fête. Ok. Bon, alors, les sondiers, bah, c'est... Les sondiers, je vais pas représenter, non. Parce que voilà. Mais... voilà. En tant que Zikos, d'un côté, en tant que musicien, en plus, avant de faire du podcast, je m'enregistrais à la baraque, donc ils ont parlé de plein de choses qui ont énormément de résonance pour moi, parce que c'est des trucs que j'ai connus, l'expérience home studio et tout. Et le fait qu'ils traitent aussi bien cet aspect-là, l'aspect musique, que l'aspect podcast, puisqu'ils ont aussi déjà parlé de ça, hein, comment se sonoriser, comment diffuser du podcast et tout machin. Putain, quand je suis tombé là-dessus, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais ce podcast est énorme. Non. C'est pas dans les sondiers que j'ai entendu une fois que recouvrir son mur de boîte à œufs n'avait aucun intérêt. Exact, c'est eux qui l'ont dit. Non, mais au tout début de mon groupe, un des premiers locaux de répète qui était une vieille baraque abandonnée à la campagne et tout. Ouais, c'était génial. Vous faisiez du spiritisme le soir et tout? Absolument pas. Non, ça aurait été dans le thème, je sais pas. Non, mais par contre... Ça, c'était cliché, hein. Oui, là, je peux me faire taper sur les doigts. Je le mériterais. Non, mais je veux dire, c'est l'un des grands... comment je pourrais dire ça? C'est l'une des grandes dualités du métalleux. C'est-à-dire, d'un côté, ça, parfois, ça nous fait chier. Qu'on on dise, mélange le métal, le gothique, le satanisme, après, tout truc-là. Mais c'est pas complètement faux, quelque part. Ah. Ça fait partie de la culture. Ah bah, tu vois, je voulais un peu défendre le truc, et puis toi, non, tu dis non, finalement, c'est pas complètement faux. Mais oui. Bon, bah, ok. Non, mais c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est ça le dilemme du métalleux. C'est d'un côté, ça nous fait un peu chier d'être pris pour des des mangeurs de viande, mais tout le monde mange des mangeurs de viande crue. De viande crue, voilà. Mais les gens gentils mangent aussi des viandes, la viande crue. Et du poisson cru aussi. C'est vrai. Bon. Et des légumes crus. Mauvaise formulation. Et pas de carottes. Bon, enfin bref. C'est un message personnel. Bon, enfin bref. Bon, allez, vas-y, continue. Okay, bonne chance. Merci. Ah, ok, qu'est-ce qu'on disait? Donc, pas de boîte à œufs et oui. pas de diable, de spiritisme. Alors, d'un côté, ça nous embête d'être pris pour des grosses brutes, on va simplifier comme ça. Et d'un autre côté, on aime bien quand même faire peur aux mamies avec des t-shirts, avec des trucs dégueulasses dessus et tout. Voilà, c'est pour ça. Ça, c'est un côté qui m'amuse énormément dans le métal. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, un des sujets qui a été une fois discuté dans Boulevard Brutal, c'était est-ce que le groupe Slipknot avait... raison, c'est peut-être pas vraiment ça la formulation du thème, mais est-ce que c'était vraiment intéressant que leur propre festival aux États-Unis, le Knotfest, c'était le clown, enfin un des membres du groupe, avait décidé que le festival devait avoir son identité olfactive. Et donc, oh mon Dieu. Ils avaient décidé de faire brûler de la merde de chameau sur le site pour que... Voilà. Ça, c'est le genre de sujet qui est discuté dans Boulevard Brutal, qui est super sympa. Que je comprends qu'on puisse en discuter, hein. D'accord, bon, ensuite, du coup, alors moi. Où on est parti? Ah oui, des boîtes. Non, mais c'est pas grave. Oui, non, mais. Moi, j'aime bien voir les extérieurs des concerts des métalleux qui passent dans le petit journal où ils nous montrent leurs fesses et ils disent bonjour à leur maman. Ouais. Et tu sais que ça, c'est très drôle. C'est devenu un peu cliché. Mais je me moque pas, hein. Non, je trouve ça vraiment drôle. De toute façon, ouais, au départ, ça s'était un peu fait de façon spontanée, on va dire. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est devenu un truc, je veux dire, les mecs dans un festival, ils demandent, c'est le petit journal, ah, tout de suite, ils montent leur cul, quoi. C'est rigolo. Bah oui et bon, non. Bon, ouais, devenu... ouais, mais après, toi, t'as... Enfin, moi, j'ai une image extérieure du truc, donc je vais forcément te parler avec plein de clichés. Mais c'est ce que je te disais, c'est le dilemme du métalleux. D'un côté, quand il y a la caméra, on a envie de monter notre cul. Et d'un autre côté, après, ça nous saoule un peu qu'on soit défini par ça, en fait. On aimerait bien montrer un autre aspect. Mais on ne peut pas s'empêcher de montrer notre cul. Bref. Bon, pas aujourd'hui. Non. Alors, ensuite, un autre... T'étais parti dans les podcasts, je te coupe. Sur ton métal, parce que je suis parti loin, non, mais ce que je disais, parce que tu disais... Vas t'excuser sur l'heure, patati patata. Oui, c'est vrai. Et puis, alors, il reste 20 minutes sur la carte. Ah, quand même. Ouais, et quelle heure est-il? Moi, j'ai éteint mon téléphone. Tout à l'heure, toi? Il est, 7h-20. Oh, 7h-20, ça va. J'en suis pas, j'entends parler en bas, alors je me demande si... Ouais, bon, bref. Bref, oui, non. Du coup, alors, métal. Je voulais dire une connerie. Métal encore? Non, mais t'as parlé de ton truc de métal, donc maintenant, c'est quoi l'autre podcast? Alors, un autre truc, par exemple, la case rétro. Parce que des podcasts de jeux vidéo, il y en a plein, qui parlent de l'actu, hein, c'est comme ce que je disais sur le ciné, je veux dire, on va voir les films, on les critique. La case rétro, j'adore, c'est une formule un peu différente, c'est-à-dire qu'ils reprennent des vieux jeux, et ils partagent leurs souvenirs de alors ils y ont rejoué pour l'émission, mais leurs souvenirs de l'époque. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu quelqu'un me parler de ça. Ouais. La case rétro. Peut-être dans un hors-série qui est jamais sorti. Ah bon, parce qu'il y a ça aussi. Oui, il y a des épisodes qui sont jamais sortis, il y a des hors-séries aussi qui sont jamais sortis. Bah, je suis assez perfectionniste. Alors ça peut paraître un petit peu à l'arrache ou crade ce que je publie. Mm-hmm. Mais il y a bien, bien pire. D'accord. Donc, du coup, ouais, la case rétro. Ouais. Je salue celui qui m'en a déjà parlé. Je ne me souviens plus, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Mais j'en ai jamais écouté. Donc, c'est des vieux jeux. C'est des vieux jeux vidéo, ouais. Je crois qu'ils se sont fixé une limite. Il faut que le jeu ait au moins 20 ans ou 15 ans. Quand même. Ou 10 ans. Je sais plus, en fait, honnêtement. Mais il y a une limite de temps. Donc, forcément, qui augmente un peu chaque année, qui leur débloque quelques jeux au fur et à mesure. Mais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est un podcast nostalgique, complètement, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. Ouais. Alors, je vais être franc, j'écoute pas les épisodes où ils parlent de jeux auxquels j'ai jamais joué. Ça te parlerait peut-être pas. Voilà, tu vas pas aller leur chercher pour jouer. Non, logique. Mais quand c'est un jeu que je connais, je prends énormément de plaisir à l'écouter parce qu'ils vont complètement me replonger dans l'ambiance de l'époque, de moi aussi, quand j'étais ado, quand j'avais des vieilles consoles, que je jouais au même truc. En plus, tu te rends compte que t'as galéré sur les mêmes passages ou que t'as fait les mêmes erreurs ou que t'as eu les mêmes... je sais pas... Alors, est-ce que t'as réussi déjà à passer le niveau 2 ou 3 des Tortues Ninja? Alors, sur NES, non. Je n'ai jamais réussi. Toi non plus? Non. Ah bah, tu vois, là, tu m'enlèves un poids. J'ai l'eau, hein, d'abord dehors, après dans l'eau avec les algues, et tu passais en dessous, au-dessus. Non, c'était technique. Tu le refaisais, tu le... J'ai jamais réussi à... Non, mais Personne, en fait. Ce jeu est inhumain. Inhumain. Donc, mais les Tortues Ninja, tout le monde l'a eu parce qu'il était offert avec la console quand on l'a acheté à Noël. Et on a tous acheté cette console au même moment, à Noël, avec les Tortues Ninja dedans. Sauf ceux qui avaient réussi à l'acheter avant. Et il y avait le pistolet avec le Mario et les Duck Hunt. Mais sinon, on a tous eu ensuite la console avec les Tortues Ninja. Avec les Tortues Ninja. Et on s'y cassait les dents comme c'était pas permis. Pendant des heures et des heures. Je revois les algues là. Tu vois, rien que d'en parler, je revois les algues qui pendent au-dessus, qui pendent en dessous. Tu les touchais, tu faisais... C'est ça Tu grillais comme ça. Mais j'ai découvert des années plus tard, je crois grâce aux joueurs du grenier, donc là c'est plutôt du YouTube, que ce jeu était inhumain. Mais quand t'es môme, tu le sais pas. Et nous, on en chiait. Mais en fait, ça se trouve, il est pas fini. Si, il est finissable, ouais. Mais faut en vouloir. Bon. Non, mais c'est bien, je suis soulagée là. Ah, je suis contente. Tu vois, tu seras pas venue pour rien. Ah, ça fait plaisir. Ah, voilà, la case rétro. On met un extrait aussi. Bon, je suis plus à ça près. Hein. Oh, bah ouais, bah. Allez. Oui, les gens, ils aiment bien quand t'as des extraits, apparemment. Bon, allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de lacaserétro.fr. Donc messieurs, petit à petit on passe en revue toute la saga des Zelda et aujourd'hui on s'attaque à un des épisodes les plus mythiques de cette série, un jeu sur lequel beaucoup se sont penchés avant nous, un jeu pour lequel beaucoup de joueurs vouent un véritable culte. Est-ce que c'est mérité? Quel impact il a vraiment eu sur nous à l'époque quand on y a joué? C'est ce qu'on va voir tous ensemble dans le podcast, mais avant ma question traditionnelle, quel a été votre tout premier contact avec ce jeu? En gros, il a refait le jeu jusqu'à avoir son run parfait, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Jusqu'à ce que tout soit nickel. La run est améliorable en elle-même, mais bon, il faut être un peu avisé pour le voir. Et un peu indulgent avec le pauvre gars qui vient de le battre encore. Exactement, mais elle est très très impressionnante, oui. Et donc moi, avec Mikado, il y avait un truc qui nous a interpellés. On voulait savoir pourquoi vous utilisez tous la version japonaise pour faire le speedrun. Alors, parce qu'en fait, et 60 FPS. Il y a l'argument de la lecture qui joue. D'ici là, n'oubliez pas de vos slogans. Le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut. Dans le même esprit. Dans le même esprit, et je crois même qu'il y a peut-être un ou deux membres en commun avec la case rétro, c'est 80s le podcast. Ah oui, un petit logo violet. Ouais. J'ai vraiment fait un hors-série que j'ai pas publié avec quelqu'un qui n'a pas qui m'a parlé de ça. Sérieux? Oh, je suis tellement désolée. En plus, il était bien, mais il était tellement mauvais en son que j'ai pas pu. Ouais. Et il était bien. Il était bien. Ok. Avec un pas podcasteur. Tu vois, ça c'est un truc que j'aurais bien aimé. Il va y avoir un peu de bruit parce que là vraiment il y a du monde en bas. C'est probable. C'est pas grave. Hein. Bon bah vous ferez abstraction hein, parce que là je vais pas enlever tout ça. Ça va crier, ça va jouer. Bon. Qu'est-ce que je disais? Oui. Moi ce que j'aurais bien aimé c'est justement qu'il y ait des gens qui ne fassent pas de podcast et qui viennent discuter avec moi. Ouais. Et mais c'est techniquement compliqué parce que les gens n'ont pas forcément le matériel alors qu'il faut pas grand chose. Il ne faut vraiment pas grand-chose. On peut faire des discussions pas trop crado avec juste le kit main libre du téléphone. Quoi. C'est pas génial, mais ça peut passer sur un quart d'heure, tu vois. Ouais. J'aurais bien aimé avoir un espèce de contact un peu comme ça. Ça aurait été quelque chose de sympa. Pas forcément faire un truc de 3 heures de temps. Mais moi, j'aurais pu faire durer ça 3 heures de temps, par contre. Mais du coup, ça, c'est un truc un truc qui me ferait plaisir. Je comprends, ouais. C'est une autre approche. Parce que avec vous c'est facile. Moi déjà j'ai facile de démarrer pour discuter. Ouais. Vous avez facile d'enchaîner. Vous êtes à l'aise en plus avec un micro tout ça. Enfin, bon, t'es à l'aise là quand même. Ça va. Voilà, tu vois, ça aurait été, je pense, intéressant. Mais c'est intéressant aussi d'être avec des podcasteurs. Ouais. Mais ça aurait été intéressant aussi d'avoir des gens comme moi qui, à la base, ne sont que auditeurs. Voilà. C'était mon point. J'aurais bien aimé qu'eux. Après, c'est pas fini. Enfin, je veux dire, c'est pas impossible. Ouais. Mais déjà, c'est compliqué d'avoir un contact. Donc, c'est des contacts que tu peux avoir en IRL. Ouais. Mais il faut encore que la personne en écoute. Ouais. Hein, ah, bon, ça, c'est un peu restreint. Ça, ouais. Puis après, il faut avoir des contacts ailleurs, donc sur Internet. Et puis c'est bizarre d'avoir une conversation avec quelqu'un que tu... Enfin, ouais, c'est vraiment particulier. Mmh. Bon. Donc là, 80s le podcast. 80s le podcast. Et je fais un gros coucou à celui qui m'en avait parlé, à qui on n'a jamais publié l'épisode. Je suis vraiment désolée. Ok. Ça me fait vraiment chier, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est simple, hein, c'est les années 80. Mmh. Du coup, ça, par contre, j'en ai écouté. Ouais, oui, mmh. J'imagine. Mais de toute façon, à partir du moment où on a un peu grandi dans les années 80, ça nous parle. Ouais. C'est obligé, quoi. Ouais, ouais. Que ce soit les pubs, les chansons, les films, les jouets, ils ont déjà passé tellement de trucs en revue, mais forcément, ça te parle, ça te rappelle tellement de choses. C'est un bon angle, c'est une bonne approche. Ouais. C'est aussi bête que ça. Enfin, je sais pas, peut-être que je. Ouais, mais des fois, ça fait du bien. Et on a tous un côté nostalgie, un petit côté vieux con, c'était mieux avant, quoi. Ouais. C'est logique. Mais si, c'était forcément mieux avant. Oui. Ben oui. Enfin, oui. Mais assez bizarrement, moi, je suis pas nostalgique des années 80, en fait. Ben, ça dépend comment tu les as vécues, je pense. Enfin, pas particulièrement mal, mais. Mais je trouvais que c'était moche, tout était moche. J'aimais pas les couleurs, j'aimais pas la musique. Pourtant, j'étais môme. Hein. Tu n'aimais pas Pinky Brewster et ses chaussettes? Ah si, ça me branchait bien. Ouais. Mais je sais pas, dans les années 90, on est passé à autre chose et j'étais beaucoup plus à l'aise. Franchement, les années 80, c'était pas... Ouais, ça doit dépendre de l'âge, je pense. Ouais. Mais pourtant, bon, mais j'aime beaucoup... Etis le podcast quand même. Mm-hmm. C'est pas... Bon, bah je vais mettre un extrait dessus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 80s le podcast. 80s le podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur et que l'important, c'est d'écouter son cœur. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle croisière à bord des années 80, nous allons traiter d'un sujet particulièrement réjouissant, à savoir l'humour des années 80. Voilà, donc du coup, bah, les inconnus dont on peut parler un peu plus, et notamment, bah, on va peut-être s'écouter un petit extrait d'un de leurs fabuleux sketchs, à savoir la radio. On s'écoute ça, puis on en reparle un petit peu derrière. C'est parti. Très bien, les ambiances sont super, c'est une classe, c'est au calme, il est 10h30, vous êtes sur Sun Radio, et on s'écoute tout de suite de la French Music. Sun Radio. Et oui, tout de suite de la French Music avec le last de Medley Maxi, vite, place au first dans les charts, de la French Music, bien sûr, tout de suite avec Vanessa Paradis. Vanessa Paradise. Sun Radio, la radio vraiment différente des autres. Bien, alors maintenant, une question de Madame Trou. Sacré Philippe. Eh, Madame Trou, dis donc, il faut bien viser, hein. Oui, alors je précise, Madame Trou de Limoges. Hein, oui, bon, heureusement que c'est pas de balle, sinon ça aurait été Madame. Le super sketch de la radio des inconnus. Les inconnus, c'est pareil, ils avaient, je dis ils avaient parce que là aujourd'hui c'est vrai qu'ils font plus grand chose, on va dire, mais ils avaient en fait cette faculté d'analyse, je trouve qu'avaient très très peu d'humoristes. Et... Parler de la classe sans diffuser à la queue leu-leu, c'est le Big Mac sans pain, c'est pas possible. Non, mais bon. Tu te rends compte que je saigne les oreilles quand même. Je sais pas si tu as conscience de ce qui se passe. Bah, ici. Pense au petit bonhomme en mousse. Contre Kems. Contre Kems. Contre Kems. Ah, au choix. Ciao. Qu'est-ce que je pourrais te mentionner Le concept du broclage, j'aime bien. Mm-hmm. Les frères Doucet. Je sais pas si quelqu'un en a déjà parlé ici. Ouais. C'est... Enfin, bref. En gros. J'aime beaucoup l'idée, ils sont pas d'accord sur un sujet, ouais. Ils s'affrontent, et à la fin, ils demandent l'avis des auditeurs, tu peux aller voter. Oui, c'est ça. C'est super sympa, moi, je trouve, c'est une approche... Oui, ça, j'ai déjà écouté. ...assez vivante. C'est... Oui, puis bon, bah, c'est quand même des personnes assez cultivées, donc t'as, quand même t'as quand même un débat d'idées qui est... Qui est riche, qui est bien argumenté, ouais, qui est bien posé. Non, c'est super intéressant. Franchement, c'est pas. Je dis pas ça parce qu'on a fait un crossover avec eux il y a un moment, mais non, vraiment. Super concept, super idée. Je suis assez sensible au concept en fait des émissions. Parfois, pas plus qu'au fond, mais pour un même sujet, je vais peut-être aller plutôt vers un concept un peu original que sur un truc où c'est Enfin, je dis ça, mais encore une fois, c'est ce que nous, on fait. Genre, un film sort, on va le voir, et puis on dit ce qu'on en a pensé. Bon, c'est quand même mieux s'il y a... Ouais, non, mais c'est comme un... Moi, un peu, je pourrais te comparer ça à une espèce de jeu. dans chaque jeu, t'as un concept et une règle, un truc comme ça. Bah, dans les podcasts, c'est quelque part un peu pareil, quoi. T'as des règles de base, quoi, en fait. Donc, ils installent un truc, et puis donc là, en fait, pour moi, quand le broclash, c'est un jeu. Savoir pour qui est-ce que le public va le plus pencher ou quoi, et t'es presque content quand tu te dis tiens, j'ai voté pour lui, et tout le monde était plus d'accord avec moi. Bon, voilà. Non, c'est un vrai débat d'idées pour le coup, avec en plus quelque chose derrière, quoi, une invitation à y participer. Et, c'est pas juste on s'enregistre parce qu'on n'est pas d'accord et puis on le fout en ligne et on s'en fout. Non, il y a une continuité, je trouve ça vraiment cool. Ouais, puis le côté aussi du fait qu'ils soient deux frères, je trouve ça sympa. Quoi. Ouais. Bonjour et bienvenue dans le Bro Clash, le podcast des Brokies Clash. C'est l'épisode spécial Summer, l'épisode 24. Je suis Arnaud. Et je suis Laurent. Et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de l'été. On va faire comme les dernières, ça veut dire que les deux votes des épisodes de l'été, on va vous les laisser, et puis on fera le cumul pour savoir qui choisit l'objet culturel de septembre, de la rentrée. Donc c'est l'épisode qui portait précédemment sur Stargate Universe, dont les votes sont encore en cours probablement. Le vote est toujours en cours. Voilà. Et puis sur celui-là qui va porter sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et oui, pour l'été, on vous propose de vous gaver de 12 films d'un coup pour essayer de nous suivre. Mais Laurent, ça leur coûte moins par rapport à ce que ça leur rapporte, sinon faut être clair et bien, ils feraient chier Marvel. Je suis d'accord. Donc dans ces cas-là, c'est que c'est suffisant. Après, il y a eu une époque où on parlait de J. Abrams un jour, où ça fait bien d'avoir une série Marvel dans son antenne. Ah, voilà, donc pour en finir avec ce clash massif, mais d'été, donc ça, vous avez le temps de l'écouter. Alors si, comme moi, vous pensez que le Marvel Cinematic Universe reste quand même quelque chose d'assez génialissime, d'un espèce d'énorme comics cinématographique, filmique, télévisuel, ce que vous voulez, mais vraiment quelque chose de massif, votez pour moi, Arnaud. Et si, comme moi, Laurent, vous pensez que le Marvel Cinematic Universe commence à être tellement gros qu'il finit par se prendre les pieds dans le tapis et que globalement, le prochain virage va être très dur et qu'on n'est pas loin de la sortie de route, votez pour moi. Bon, sur ce, passez un bon été en espérant ne prendre pas trop la pluie ou pas trop la peau de la grosse chaleur. Cultivez-vous bien. J'ai encore quelques minutes. Il fait de plus en plus sombre. Hein. La nuit tombe. comment ça s'appelle entre chien et... Non, c'est quoi le... Entre chien et loup. Il reste... 6 minutes. 6 minutes, allez. Il reste 6 minutes, mais après on peut changer de carte si tu veux. Après on peut même aller avec le micro manger. On s'occupe de Jonathan. Ouais. Attends, on met une nouvelle carte. Le pauvre. Ça va être chaud, hein. Ah, tout dépend. Allez, on met la nouvelle carte. C'est parti, t'es à nouveau 3h05 devant toi. Ah. Bon, alors voilà, on a fait une pause, hein. Ouais. On peut reprendre. Ouais, une deuxième pause. C'est bien avec les pauses, en fait. Ah oui, voilà. Ouais, on est allé chercher un verre d'apéro et puis maintenant, santé. Santé. Et puis, on va pouvoir conclure. Oui. Enfin. Il y avait encore un podcast dont tu voulais me parler. Enfin, il y en avait peut-être sûrement plein. D'autres, mais bon, on va pas extrapoler encore des heures et des heures dessus. C'est clair. Même si je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Un que tu voulais surtout pas louper. Ouais, on va parler un peu de Jonathan, Alors, qui c'est et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il un fait... Un podcast ? Je sais pas si je dois dire il faisait ou il fait Voyage Cast. Bah, il fait parce que c'est pas fermé, c'est pas fini. Ouais, a priori, ouais, ça va continuer, mais moins régulièrement. Et entre podcasts. Alors, je vais commencer par Voyage Cast, vite fait, parce que j'ai un aveu à faire. Et ça va être horrible, parce que... Qu'est-ce que tu m'as dit ? parce que je l'ai déjà rencontré. Le pays de la Reine des Neiges n'existe pas ? Et c'était son prochain projet ? Je l'ignore. Le pauvre. Non, mais ouais, on s'est déjà rencontrés, on a fait des crossovers avec lui, donc j'ai déjà beaucoup discuté avec lui, mais il y a un truc que j'ai jamais osé lui dire. C'est... Non, c'est pas ça. D'accord. J'ai cru que t'allais me dire t'écoutes pas Voyage. Non, c'est pas ça. Mais... Je me tais, vas-y. C'est un peu ça quand même, en fait. Les premières fois que j'ai entendu parler de Voyage Cast, je savais pas, alors, je savais que ça parlait de voyage. Et je me suis dit, je me suis fait une idée. Je me suis dit, ouais, ça doit être un podcast où il dit, bah, quand tu vas à tel endroit, il faut manger dans tel resto, il faut aller voir tel musée et tout. Et je me suis dit, ça doit être pourri. Je vais pas écouter ça. Je me suis dit la même chose. Hein. Ah, merci. Ah, je te rassure. Hein. C'est vrai. Ah, bah, moi, il n'y aurait pas eu une petite grenouille sympa, je l'aurais jamais écoutée. Hein. Ah, oui, bah, non, mais ah, comme non, quoi, mais... ça tient. Ah, c'est la chose. Grenouille. Hein. Ouais, ouais. Moi, je l'ai déjà dit. D'accord. En tout cas, si, j'en suis sûre, je l'ai déjà dit. Ok. Non, ouais, à force d'en entendre parler, je me suis dit, ouais, j'ai jeté une oreille quand même, ça a l'air d'être cool. Et en fait, évidemment, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Il a des intervenants vraiment super intéressants qui ont été dans les pays en question, qui te parlent de leur expérience, de la culture sur place, de plein de trucs. C'est vraiment super intéressant. C'est un des podcasts les plus cool. Et en plus, Jonathan, c'est pas pour lui lécher le cul, hein, mais Jonathan est super cool. Donc, non, t'es pas d'accord. Ah, bah, c'est super. Ok. Il faut que je fasse gaffe à tout ce que je dis. J'ai été sérieuse quand même pendant pas mal de temps là. Ouais. Donc du coup, je t'avais promis d'être sérieuse et de pas c'est dire vrai. De conneries et de pas te mettre mal à l'aise. Donc vas-y, je non, te mais laisse ça va, tranquille. Je veux dire, après, chacun son élément. Hein. Je savais où je mettais les pieds. J'essaye de m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi. Je veux pas rentrer dedans tout le temps et puis être. C'est voilà. Sympa. Ouais, merci. Non, vas-y. Allez, je te laisse parler de Jonathan. De lui lécher le cul. Oui, bah enfin, j'avais dit ce que j'avais à dire. C'est ah, ça y est, c'est fini. Bah, enfin, c'est oh, un c'était mec des super petites cool. Léchottes de rien du tout, ça. Bah, enfin, c'est bien de le dire quand même, quand tu le penses. Putain. C'est dur. En fait. Allez. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas juste un podcast de voyage, en fait. Mm. Parce que sinon, clairement, on se ferait chier. Je pense. À moins que tu voyages, oui, dans, oui. Ouais, ouais, encore que. Non, c'est autre chose. C'est, il y a beaucoup plus d'approches humaines, il y a beaucoup plus de relations avec les personnes, il y a une philosophie derrière et tout ça. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il en est arrivé à Entre Podcasts. C'est la suite logique. Ouais, c'est vrai que c'est logique, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est la démarche qui en découle, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'il me semble que je lui ai déjà dit un truc dans ce genre d'air. Ouais. Non, c'est super intéressant. Je veux dire, effectivement, quand tu connais pas, tu vois un titre d'épisode avec un nom de pays et puis tu dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce pays? Et puis, en fait, c'est pas vrai. Tu t'écoutes l'épisode, tu découvres plein de choses parce que ça va être des, bon, pas toujours des Français, mais des francophones, voilà, qui ont voyagé là-bas, donc qui ont eu des expériences similaire à ce qu'on pourrait avoir si on y avait été. Donc ouais, du coup, c'est super intéressant, c'est impliquant quelque part. Et donc voilà, c'est pas bêtement une liste de trucs sur le pays. Non, c'est super approche, franchement, je pensais pas, heureusement que j'ai dépassé mes idées préconçues et que j'ai été jeter une oreille parce que c'est vraiment super sympa. Alors du coup, après, maintenant, il est plus actif sur Entre Podcasts. Donc c'est une approche un peu différente, plus scientifique, mais tout en gardant bien à l'esprit une volonté de rendre ça accessible. Parce que si j'ai bien suivi, encore une fois, je ne veux pas parler à sa place. Mais lui-même, c'est un domaine qui est relativement récent pour lui, je crois. Donc, et qu'il a envie de faire partager, et ça se sent, et c'est génial. Mmh. C'est génial, parce que... encore une fois, si ça n'avait pas été Jonathan, si un jour j'avais vu un truc entre podcasts comme ça, je me serais dit c'est bon, c'est pas pour moi. Ah ouais. Ouais. Bah après tout dépend moi, de. Moi peut-être plus. Ouais. Non mais ouais, tout dépend de ce que tu recherches. Après ouais moi, les trucs scientifiques, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein. Mais j'ai toujours peur que ce soit trop sérieux en fait. Trop sérieux. Ouais ouais. J'ai peur que ce soit trop, je sais pas, peut-être trop scolaire ou ah oui. Ouais, et de me faire un peu chier. Et donc là, pour le coup, ça a aidé puisque je connaissais déjà Jonathan. Donc ouais, quand il a lancé Entre Podcasts, moi j'ai pas hésité. Bon, de toute façon, au départ, c'était sur le même flux, mais même quand il a séparé les flux, j'ai continué Entre Podcasts sans moindre problème. C'est super intéressant. Il a des intervenants de grande qualité. Il y a Anne-Laure avec lui qui, si j'ai bien compris, elle maîtrise le sujet. Et ouais, bah j'adore son approche, c'est-à-dire que je crois qu'il est conscient que c'est pas forcément une thématique sur laquelle on serait venu comme ça. Ouais, voilà, genre, ah tiens, si j'écoutais un podcast sur l'anthropologie. Donc, du coup, il essaye de rendre le truc accessible. Ça dépend quel auditeur. Il y a des auditeurs qui vont pas chercher forcément les trucs ludiques ou drôles. Oui, c'est vrai. Qui vont chercher plutôt à se cultiver, à se renseigner sur des choses et qui vont utiliser le podcast comme ils utiliseraient une encyclopédie ou quelque chose comme ça. Il y a tout ce côté-là du podcast qui est aussi à ne pas négliger. Non, c'est la partie, je sais pas comment on dit. Distillation du savoir aux autres. Tu vois, ça aurait été super. Je pense notamment aux livres audio ou aux personnes qui discutent des livres qu'ils ont lus ou des choses comme ça. Je sais pas si tu en écoutes, hein, mais il y en a. Mais moi, j'aurais adoré pouvoir écouter ça quand j'étais au lycée et que je devais lire des bouquins. Je pense que ça aurait été génial. Il y a des choses comme ça qui valent la Wikipédia, mais de loin, très très loin. Carrément. Donc, je pense qu'il fait partie des choses là. Et justement, le fait que tu aies quelqu'un qui soit novice dans le domaine, même si il s'enrichit au fur et à mesure des connaissances qu'il acquiert en lisant. C'était belle ma phrase. Je vais reprendre un petit peu de bière. Je trouve que les mots sont. Ça aide. Non, mais sérieusement, le fait d'avoir une personne qui au départ est novice, moi je trouve que ça donne un côté abordable au fait que toi tu écoutes ça. Si tu as direct un scientifique qui commence à te parler, tu dis ok, c'est pas mon niveau, c'est bon, je vais te larguer, c'est que le début, je sais pas où il va m'emmener, j'y arriverai pas. Tu vois, j'arriverai pas à suivre. Alors que là, voilà, il y a déjà le côté Jonathan où tu t'attaches à la personne dans Voyage Cast, donc tu la suis dans Anthropodcast et tu vois ce qu'il va faire et ce qu'il va et où est-ce qu'il va aller, parce que finalement t'as aussi le suivi de ça. Il y a Anne-Laure qui est super intéressante parce qu'on découvre une nouvelle personne et une fille en plus, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup, donc je précise que c'est bon de le souligner. Et elle est super agréable à écouter aussi, donc ils font un bon duo. Et après on pourra trouver peut-être aussi un au fur et à mesure, peut-être il y aura un équilibre où Anne-Laure sera autant présente peut-être que Jonathan. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin bref, un truc un peu comme ça quoi. Mais moi je trouve ça cool. C'était la bonne approche, je pense. C'est effectivement, nous en tant qu'auditeurs, on se sert de Jonathan comme porte d'entrée là-dedans. Il le dit, il est très transparent là-dessus. Et du coup, ça rend le truc plus intéressant parce qu'on a quelqu'un sur qui on peut se reposer. On sait que lui aussi c'est quelque chose de relativement récent pour lui. Donc on se dit ok, c'est pas inabordable, on peut le suivre lui et rentrer tout doucement dans le sujet. C'est vraiment une super approche, très très bonne idée. Moi, je trouve ça classe. Oh ben, dis donc. Bon ben, voilà. C'était spécial, Jonathan. On met un extrait ? Ouais, bien sûr. C'est cool. On va mettre un extrait. Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'Anthropod quoi ? L'Anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie ? Une production Voyage Cast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Anne-Laure, ma super collaboratrice sur Anthropodcast. Salut Anne-Laure. Et salut. Au fond, le citoyen lambda veut penser vite pour se débarrasser des problèmes parce que c'est embêtant de ne pas savoir. Nous, on aime ne pas savoir parce que ça veut dire qu'on peut se mettre à chercher des réponses. Et ça tombe bien puisque c'est pile dans la définition de l'anthropologue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir les questions anthropologiques qu'on peut se poser à propos du dernier film « La planète des singes, l'affrontement », que j'espère vous avez vu. Enfin, les inquiétudes d'une société, c'est de l'anthropologie justement, et il y a ce qu'on appelle l'anthropologie de la catastrophe notamment. C'est un pan très intéressant de l'anthropologie. Ah, complètement. C'est un bon miroir pour une société, de voir de quoi elle a peur. L'arc de la religion, il est très peu exploré dans ce nouvel épisode de La Planète des Singes, hein, cette nouvelle trilogie, puisque La Planète des Singes, l'affrontement est le deuxième d'une trilogie. Le premier, c'était La Planète des Singes, les origines. Ouais. Et je trouvais assez intéressant... Je me demande si dans le troisième épisode, ils vont se servir un petit peu de la religion. J'ai dit, la religion, c'est un des meilleurs systèmes de contrôle des masses. Est-ce qu'ils vont s'en servir? Je sais pas. Hein, mais... bah, ça serait intéressant, hein, parce que pour pousser la métaphore plus loin, ça pourrait être un bon point à explorer, je pense. Donc on verra ce qu'ils en feront. On verra ce qu'ils en feront, oui, notamment Ape. Mais bon, là par contre, on va pas spoiler la fin. On va en parler plus tard de la fin du film, mais c'est vrai que Apes... Not kill apes, donc les singes ne tuent pas les singes. Mm-hmm. C'est aussi un commandement intéressant et qui, notamment dans les 10 commandements, c'est pas le premier, hein, mais c'est voilà, c'est quand même dedans. Donc c'est vrai que il c'est intéressant. Il est dans l'is. Alors, ben c'était super chouette, Anne-Laure. Ouais, on se revoit sur le blog, en podcast, en voyage, n'importe où. C'était super cool d'échanger avec toi. On se dit à la prochaine, du coup. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Les humains ne leur pardonneront pas. Vous devez partir avant que l'affrontement commence. Bon, tu veux encore rajouter quelque chose ? Oh non, je crois qu'on a déjà été assez long. Je salue Walter et Bully, que j'adore. Voilà, j'adore ce qu'ils font. Ils ont aussi leur patte, leur style. Je kiffe. Mmh. Ils le savent. Enfin, Bully en tout cas, parce que j'ai déjà échangé avec lui. Moi, j'aime bien ses émissions musicales. Ouais, c'est excellent. Ouais. Mmh. Ouais, c'est de la découverte. C'est pareil, ils partagent une passion, mais tu sens que ça le botte, donc c'est tout de suite tellement plus cool à écouter que juste froidement dire tiens voilà ça hop non. Mais ouais non sinon ouais voilà sinon parce que la liste serait interminable mais c'est les principaux que je tenais à évoquer. Bon ben voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Moi je suis contente que tu sois venu nous présenter d'autres podcasts parce qu'en fait je pense que là il y en avait quasiment aucun que je connaissais. Hein. C'est vrai ? Ouais. Donc ça, c'est cool. J'aime beaucoup le fait que quelqu'un vienne te faire découvrir autre chose. Et puis, je pense aussi que tu as fait découvrir d'autres choses à d'autres personnes. Bah, c'est probable, ouais. Enfin, j'espère. Nous, on va vous laisser. Ouais. Parce qu'on a une soirée qui nous attend. Ouais. Et puis, voilà. Ça fait déjà un moment qu'on enregistre. Je crois. Ben voilà. Conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Mais il n'y a pas de musique à la fin. Attends, non. Oh, la musique à la fin. Mais oui. Putain, merde. Non, il n'y a pas de musique à la fin. Il n'y a pas de musique à la fin. Non. Pourquoi tu trouves que c'est intéressant de mettre des musiques à la fin? Il y en a qui trouvent que c'est nul. Alors, justement, j'ai un aveu à te faire. Effectivement, un aveu à me faire. Ouais, dans 24 FPS, je mets de la musique à la fin. Il y a un jingle pour ça? Ouais, il faudrait, je crois, ouais. T'entends, aveu. Non, mais c'est... Allez, vas-y. Tu mets de la musique au début et tu mets à la fin. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. En plus, ouais. Ouais, c'est souvent la musique du film. Oui, oui, c'est en rapport avec le film. Ah, des fois, je pars un peu loin dans le rapport. Il n'y a que moi qui le vois, le rapport, mais... Ah bon, ça, j'arrive à suivre. Parfois, il y a des films où il n'y a vraiment aucun morceau du film qui me parle. Donc, ouais, je vais chercher un lien plus ou moins lointain, mais j'essaie de... Et j'explique, je veux dire, j'introduis le truc, quoi. Mais très franchement, les podcasts qui mettent de la musique en fin d'épisode, ça me fait chier. Je les écoute pas. C'est horrible. Et t'en mets pourtant. Ouais, je sais, c'est pour ça que c'est horrible. Ah, super. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas aussi radical que ça. Ouais, il y a eu des podcasts où voilà, à la fin, t'as un morceau qui part, puis je sais pas ce que ça vient faire là et tout, et là souvent je zappe. Donc pas de musique à la fin. Ouais, c'est cool, non, mais c'est bien, merci. Non, mais ça dépend. Non, non, mais non, mais je me suis dit, tiens, il me faudrait une deuxième dose parce que j'ai pas encore bien compris. Mais non. Et je me suis dit, je vais inviter Jérôme, il est sympa. J'ai pas dit. Non, mais tu sais quoi, tu finis ton verre, tu te dépêches, tu sors, okay. T'es viré. J'ai pas dit les tiens particulièrement. Hein. Oh non, tu précisais juste que là, il fallait le rajouter cette remarque. Il y en aura plus. Mm-mm. Sérieux, à ce point? Mm-mm. Bah pourquoi? Si t'as envie de mettre un truc, mets un truc. Franchement, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas une, j'en ai rien à foutre. Non, mais ça fait plaisir des fois, c'est intéressant si... Si c'est bien amené. Moi, je peux pas m'en empêcher, en fait. Tu peux chanter? Ah ouais? Ouais, je sais, on a qu'à mettre la Reine des Neiges. On n'a rien. C'est bon. Mais elle n'essaie pas de nous faire oublier qu'il y a un film dont tu dois nous parler. Mais maman, chialer veut changer de place mes livres. Oh, les filles, hein. Mais non, elle n'a pas le droit, tu lui dis non. Hein. Tu lui dis qu'on a autre chose à faire que ranger les chambres. Non, mais Charlie, on a autre chose à faire que ranger les chambres. Je pense qu'on n'arrivera pas à la faire cette fin, tu t'en es conscient. Ouais, je vois bien. Ouais. Non, mais c'est une expérience sympa. Un samedi soir, chez moi. Mmh. C'est cool. Et encore, hein. C'est soft. Ouais. Bon, je pense que ça doit être comme ça chez beaucoup de personnes. Hein. Non, mais c'est une autre expérience de podcast. Ah, bah, c'est raide, hein. C'est ce qui fait la richesse du média. Il n'y a pas une façon d'enregistrer le truc, quoi. Ok. Le film que j'ai vu en boucle. Oui. La marche de l'empereur. Sans déconner. Bon, c'est pas le bon moment pour dire que je l'ai jamais vu, mais. Ok, ah ouais, et c'est ouais, passionnant à ce point. Non, comment ça, non? C'est pas passionnant. C'est juste beau. Alors, déjà, ah. Bon, tu sais que j'adore. Non, tu sais peut-être pas. Non. J'adore l'hiver et j'adore la neige. Donc là, c'est parfait. Hein. Il y a des pingouins et de la neige. Pour le coup, oui. Tout le long. Non, mais je kiffe vraiment la bande-son. Donc, j'adore la musique de ce film. Et du coup, je peux le mettre et pas le regarder, juste je l'écoute. Je le mets comme si je le mettais, comme si je me mettais un CD, quoi. Voilà. Okay. J'adore. Voilà. Donc, je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Et voilà. Et quand mon gamin était petit, il adorait les pingouins. Donc, j'avais encore une raison encore plus grande de le mettre. Ah oui, bah oui. Je sais pas combien de fois je l'ai vu. Voilà. Ok. Bah, ça va, je me sens moins taré de regarder, enfin, de mettre de temps en temps Star Wars que pour le son. Ah non, mais tu sais, y a des films comme ça, ceux vraiment qui sont très très bons, quand tu l'as déjà vu une fois. Tu le regardes une deuxième fois, t'as juste besoin de te mettre dans ton lit et de fermer les yeux. Ouais. Mmh. Voilà. Oui, ça, j'adore faire ça. Écouter les films. Mmh. Ouais. Mmh, c'est chouette. Ok. Ouais, bon. Bon, allez, c'est bon. On n'y arrivera plus. Oh. Non, merci pour l'invite. C'était super cool. Comme je t'avais déjà dit avant qu'on enregistre, ça fait plaisir, par contre, parfois, de parler d'autre chose que le sujet habituel, quoi. Ça fait même super plaisir. Bon, bah écoute, moi ça m'a fait plaisir que tu viennes ici, en IRL en plus. Ouais. Pour ceux qui n'auraient pas compris qu'on était chez moi quand même, au cas où. Bon, voilà. Après, voilà, en tant que copain avant d'être podcasteur, puisque je pense que tu t'es déjà vu avant, donc c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. C'est pas la même chose. C'était marrant, c'est différent. J'avais jamais fait un IRL, donc c'est. Ah, mais oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Ouais. Eh ben, en IRL, t'as ça, là, derrière. Ouais, c'est pas mal. Les enfants. Et puis, puis l'apéro qui continue en bas sans nous. Oui, c'est vrai. Donc, on va aller rejoindre tout le monde. Ouais. On dit au revoir à tous ceux qui nous écoutaient jusque-là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'excuse de la qualité de tout ce qu'on a dit avant. Exact. Mais on va pas s'excuser parce qu'on s'en fout. Okay. Et puis, sinon, Phil, il va m'engueuler. À la prochaine fois. Ouais, à plus tout le monde. Ouais. Allez, salut, sans musique. Hein. Ciao. Elle avait un. Non, mais là, si on n'entend pas le bruit qu'on vient d'entendre, ouais. Les gens ne vont jamais comprendre pourquoi on rigole. Hein. C'est vrai. On est maudits. Faut quand même le savoir, putain. Dire. Ça arrête pas de gueuler dehors. Et je m'arrête là-dessus. Donc je décroche. Hein. Il peut y avoir des monstres. Je suis restée sur. Non, c'est pas possible. Il avait rangé ses clés de bagnole là Hein, il les avait pas, et l'autre, il arrive à allumer la... Non, c'est pas possible. D'ailleurs, on peut plus ne pas allumer les voitures en touchant deux fils. Non. Alors arrêtez. Mmh. Hein, voilà. Ou alors je m'énerve. je m'énerve toute seule devant c'est le film en disant « C'est quoi, putain, ce fétiche de la petite culotte dans les films d'horreur ? La meuf, elle est toujours en petite culotte. Elle finit en petite culotte ou en jupe. Des trucs, c'est, ça m'énerve. » C'est un code. Je pars là-dessus et... Il m'emporte plus dans l'horreur, là. Moi, ouais, juste, oui. M'énerve. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Elle finit toujours comme ça. Oui, mais il y a une partie du public qui serait déçue si ça n'y était pas. Ouais. Non. Non, moi, je décroche du film. Je dis, c'est quoi cette connerie ? Ça va pas, non ? N'importe quoi. 50 prises électriques dans une piscine municipale. Oui, autour de la piscine. Non, mais non. C'est vrai que c'était un peu gros, ça. Ouais. C'est censé être la fin du film et là, je fais, oh. Pause technique. Vous pouvez m'amener un prof de physique, là, s'il vous plaît ? Ok. Dites donc. C'est ça, voilà. Non, je crois qu'en plus, c'est toi qui avais attiré mon attention sur le fait que c'était n'importe quoi. Et ça m'avait absolument pas traversé l'esprit. Ah, t'étais dedans, c'est bien. Ouais, ouais. Non, bah, attends. Il y avait une fille dans l'eau. Non. Oh, putain, merci. Le cliché. Oh, non, ça va. Super, bravo, quoi. J'y ai droit tout le temps avec Julia. J'essaie de m'évader. Elle était même pas rousse. D'aller discuter avec des gens normaux qui vont pas m'en mettre plein la tête. Et ça continue. Non, mais après, je vais apprécier des films qui n'ont pas été de ton goût non plus. C'est comme ça. Ah oui, non, ça, oui, c'est rigolo. Bien, ouais. Heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes c'est choses. C'est clair. Ce serait trop chiant. Mais voilà. J'adore aller voir un film où il y a une putain de fin, une vraie fin. Et je déteste les films qui te laissent comme ça. Ah, ah ben tu trouveras tout seul. Voilà. Ah ben non, non. Moi, je veux pas trouver tout seul. Je veux que le gars, il aille jusqu'au bout, quoi. D'accord. Ça m'énerve, ces trucs qui vont pas jusqu'au bout. C'est comme un bouquin qui te laisse sur ta faim. Ouais. J'ai l'impression que le gars, il a pas travaillé jusqu'au bout. Il fait, bon, allez, hein. C'est bon. J'ai déjà fait 300 pages. Pas me faire chier avec une fin. Vous la trouverez tout seul. Ah, j'ai déjà eu des désaccords majeurs. T'as recherché le gars, tu fais, hé, tu reviens ici et tu me termines ton bouquin. Oui, c'est clair. Franchement, non. Un moment, ouais, non, non. Non, faut qu'il meure à la fin, quoi. Ouais. C'est encore la meilleure conclusion, ouais. Et quand j'étais gamine, tu vois, et qu'on regardait une série, je me souviens par exemple de... je regardais Rick Hunter. Ok, je suis vieille. Enfin, c'est pas moi qui... T'avais les... Non, c'est moi, j'aime bien dire ça. T'avais les une ou deux premières minutes de la série qui te faisaient un espèce de résumé, mais ouais. C'était horrible. Et bien, ouais. Ben, moi, je fermais les yeux. J'ai toujours trouvé ça débile. Oh là là, ça ouais. M'énervait parce que j'avais l'impression déjà de connaître la fin. Mais oui. Tu connaissais le déroulement et ouais. La fin, t'avais plus qu'à t'imaginer. En même temps, c'est bon, c'était pas bien ouais, compliqué, ouais. Hein, Rick Hunter. Hein bon, voilà. Et bien, moi, je fermais les yeux et je voulais pas entendre le début. Ah, non, fallait pas. Comme Code Quantum. J'adorais ce truc. Ah, pareil. Ah, ouais. Et ben, sublime. Ouais. Ouais. J'adorais. Franchement, j'adorais. C'est une de mes séries préférées pendant longtemps. Je voulais pas regarder ces premières minutes où on t'expliquait tout, quoi. Ouais, je trouvais ça ouais. Tellement dommage. Je regarde jamais non plus à la fin, des séries. Fut un moment, ils disaient à suivre. Ouais. Ouais. Et t'avais les. Mais je regardais pas j'ai ça. Je me dis ça. Non, me dites pas non, ça. Ouais. Je veux pas savoir. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. J'aime pas ça non plus. Non, mais Code Quantum, c'était génial. Ça passait c'est un moment. Fait. Allez, on se fait une séquence nostalgie. Mm-hmm. Je raconte ma vie. Ça passait sur la 6 ouais. Et exactement à la même heure passait Beverly Hills sur la 1. Ah, possible. Bah, je te le dis, moi. Et c'était un vrai conflit. Ma sœur voulait regarder la 1 et moi je voulais regarder la 6. Et avec une télé. Ouais. Donc, le conflit, forcément. Alors, du coup, on faisait un jeu juste avant. On matait 10 pubs juste avant la série. Et la première qui donnait la marque de la pub. Dans les excellent. Premières secondes, ouais. Marquait un point. Ah, et celle qui avait plus de points choisissait la chaîne. C'est génial. On a beaucoup regardé Code Quantum. Excellent. Et ouais. Ah non, bien vu. C'est top. Enfin bon, voilà quoi. Donc ouais, Code Quantum, c'était la série que j'adorais. Ah pareil. Que j'adorais. J'ai réussi à l'imposer entre guillemets à mes parents parce que c'était en C'était en début de soirée, je crois, ou en ou fin d'après-midi, début de soirée. Mais oui, moi je revenais du collège, donc ouais. C'était sûrement le bus de 5 ou 6 heures, donc voilà, il était, allez, on va dire 6 heures. Mm. Ça passait de 6 à 7, on va dire, un truc comme ça, quoi. Mm. Mais moi, j'ai pas imposé grand-chose à mes parents, parce que mon père était déjà très... très série, très truc comme d'accord. Ça, donc oui, voilà. Ben moi, disons que j'ai essayé, je tenais vraiment à voir ces épisodes, et puis je crois que sur la fin, ça tombait sur l'horaire où on commençait à bouffer ou un truc comme ça. Et alors, j'ai essayé une ou deux fois, je leur ai dit, s'il vous plaît, on peut regarder ça, s'il vous plaît, je voudrais trop savoir et tout machin. Et ils ont fini par kiffer. Donc j'ai ils n'étaient pas toujours dans l'ordre, hein. C'est sûr. Non, ça, c'était vrai. Chiant. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais comme c'était un peu historique avec l'histoire des États-Unis, moi j'ai appris plein de trucs, mais eux, ça leur parlait différemment parce que ça parlait de choses que eux connaissaient, mes parents, je veux dire. Ah oui, alors que ah oui, toi tu voyais le côté là, alors que moi je voyais le côté plus sentimental du truc, tu vois. Bah il y avait ça, non. Il aidait les gens, il était perdu dans son truc et tout. C'était les vieilles séries quoi. C'est la seule série que j'ai regardée jusqu'à la fin, jusqu'au dernier épisode à la télé. Je crois que je suis allée le chercher le dernier épisode quand même. Alors, on veut tous savoir s'il va enfin rentrer s'il chez peut lui. Rentrer, ouais, on dira rien pour ceux qui n'ont jamais vu. On ne sait jamais. Il y en a peut-être qui se refont la série là. Ouais. Mais c'était génial, quoi. Surtout celle où il rentre chez lui, mais pas dans le bon âge. Oui. Oh, avec son frère et tout. Il y avait des trucs de fou. Hein. Non, c'était génial. Mm. Mm. C'est la seule série que je suis certain d'avoir vue du premier au dernier à la télé. Et sur la fin, tiens, je vais revenir indirectement sur le podcast en partant de ça. Ah, on est parti, on est dévié. Bizarrement. Oh. C'est tellement pas mon genre. Si je m'excuse. Tu veux tout t'excuser. Sur la fin de mon adolescence, en fait, je regardais tellement la télé et j'étais tellement content de tout ce que je trouvais à la télé. Que tes muscles se sont atrophiés. Non. C'est pas vraiment là que je voulais en venir. Donc, ça me gonflait en fait qu'on critique la télé, les gens qui disaient ouais, la télé, il y a que de la merde, tout machin, tu regardes que des conneries à longueur de journée. Ça me faisait chier, je disais mais c'est pas vrai, moi je choisis, il y a des trucs intelligents. Après tout, n'était pas hautement philosophique non plus. Mais on avait des goûts particuliers peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. Bon, on penche là-dessus, non. On a un mauvais goût, on va pas en parler là. Bon, on a tous été ados, quoi. On va dire voilà. Ça. Ah, ok. Allez, vas-y, j'arrête de te couper. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire, en fait. Aujourd'hui, je comprends pas comment on peut continuer à regarder la télé et continuer à se laisser imposer des programmes, quoi. Ça me dépasse, je comprends. Ouais, je peux plus consommer l'info ou le divertissement comme ça.